Stephen King aime les clowns, Stephen King aime les pronoms, Stephen King a écrit ça et Andy Muschietti l'a adapté. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock, je suis avec Chris de nouveau, bonjour. Salut. Comment vas-tu? Bon écoute, ça va. On va parler là d'une œuvre majeure de King, du classique des classiques, hein, on peut dire, je pense, d'une certaine façon. Donc de ça, qui est un roman qui a été publié en 1986 aux États-Unis et en 1988 pour la version française, en deux tomes en France. Et l'adaptation dont nous allons parler n'est pas la première, qui a été un téléfilm de l'année 1990, mais la plus récente, les deux films Ça, réalisés par Andy ou Andrés Muschietti en 2017 pour le premier et 2019 pour le deuxième, 135 minutes pour le premier, 169 pour le deuxième. Bon, bah, est-ce que tu te sens prêt à y aller? Eh ben, écoute, ça va être un long voyage. On est prêt à plonger au fin fond des lumières mortes. Voilà, rappelez-vous que nous flottons tous en bas. Rappelez-vous que nous allons spoiler le livre et le film, donc on va vous dire tout de suite, on vous encourage à découvrir au moins le livre sans vous spoiler, donc n'hésitez pas à aller le lire. Et c'est parti. Ça nous raconte l'histoire de six anciens habitants de la ville de Derry dans le Maine, donc Bill Denbrough, Richie Tozier, Beverly Marsh, Eddie Casbrack, Stan Uris et Ben Hanscom, qui sont contactés par un ancien de leurs amis, Mike Hanlon, le seul resté là-bas, et qui leur annonce qu'une créature fantastique qu'ils ont affrontée 27 ans plus tôt et qu'ils ne pouvaient appeler que ça parce qu'ils ne trouvaient pas de nom qui aille à cette créature tueuse est de retour. Il l'avait vaincu une première fois, il l'avait rendormi une première fois, et ils doivent y retourner, se souvenir comment l'abattre, et la réaffronter. Et donc tout le livre va faire des allers-retours entre le passé, ce qu'ils ont fait étant jeunes adolescents, et ce qu'ils vont faire une fois adultes. Une des premières inspirations de King pour ça est assez inattendue, puisque c'est un conte d'origine norvégienne qui s'appelle Les Trois Boucs Bourrus, qui est une histoire de boucs qui affrontent un troll qui vit sous un pont. En gros, ils doivent passer de l'autre côté du pont pour aller dans des pâturages et ils doivent convaincre le troll de les laisser passer. Je crois que la conclusion du récit, c'est que le dernier bouc, en fait, chaque bouc passe en disant il y en a un plus gros et plus dodu qui arrive derrière, et le dernier est tellement gros et dodu qu'il arrive à affronter le troll, en fait, à renverser le troll, je crois. Un très, très fort bouc. Voilà. King s'est rappelé de l'histoire en traversant lui-même un vieux pont de bois alors que le soir tombait, enfin dans un contexte un peu glauque. J'imagine un peu le pont de Beetlejuice, tu sais. Ah oui. À la base, King voulait dans ce livre faire le portrait d'une ville dans ses aspects les plus sombres et rassembler le plus de peurs enfantines possible dans un même livre. Il a qualifié ce livre-là de son examen final dans le genre horrifique. Il choisit de présenter ses personnages à deux périodes différentes de leur vie, donc. Le début de l'adolescence, qui est une période où les peurs enfantines, un peu fantastiques, sont encore présentes. On peut encore y croire quand on est dans le noir, on a encore du mal à se convaincre que c'est faux. Mais en même temps, c'est plus des tout petits enfants qui seraient totalement impuissants face à cette erreur, ils sont en capacité de lutter. Et à côté de ça, il reprend les mêmes personnages devenus adultes qui, là, ont du mal justement à retrouver toute cette croyance. Et donc dans la partie enfant, il s'agit de devenir pour eux de devenir adultes, et dans la partie adulte, il s'agit d'une certaine façon de retrouver leur enfance. La ville de Derry est inspirée de celle de Bangor, où King s'installe avec sa famille au cours de l'écriture, et pas mal d'éléments géographiques ainsi qu'une partie des légendes urbaines de la ville de Bangor sont reprises dans ça. Par exemple, le vieux bar qui brûle, c'est quelque chose qui serait réellement arrivé à Bangor. Pareil pour la fusillade sur des criminels qui dégénèrent complètement. Et Bangor a apparemment réellement un réseau de vieux égouts assez labyrinthiques et assez peu connus qui parcourent la ville de manière un peu bizarre. Idem pour le meurtre homophobe qui arrive vers le début du livre. Je sais pas si c'est à Bangor que ça s'est passé, mais c'est inspiré d'un fait réel aussi, ça. D'accord. La ville de Derry, c'est donc sa première apparition dans l'œuvre de King, et il la réutilisera par contre à plusieurs reprises par la suite, surtout dans Insomnie, mais aussi dans Dreamcatcher, Sac d'Os, 22-11-63 et Extension Claire. La dernière, c'est une nouvelle dans Nuit Noire, Étoile Morte. Et je crois qu'elle est traversée aussi dans Quand l'autovirus met cap au nord. Oui. Et elle est régulièrement mentionnée dans d'autres romans, d'ailleurs régulièrement dans des romans où Castle Rock apparaît, les deux villes sont mises en parallèle, limite comme étant les deux pires du Maine en fait. Oui, bah, dans l'adaptation filmique de Fenêtre secrète, oui. Quand la femme est prise dans les embouteillages, oui, effectivement, on voit Derry à quelques kilomètres, indiqué sur un panneau. L'histoire, il commence à y penser dès 1978, et selon les dates indiquées dans le livre, à la fin du livre, il commence l'écriture en elle-même le 9 septembre 1981 et la termine le 28 décembre 1985. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est un livre qu'il a écrit sur 4 ans, qu'il aurait commencé un peu après Cujo, et il l'aurait écrit en parallèle avec Cimetière, Christine, L'année du loup-garou, Le talisman, Les yeux du dragon et La peau sur les os. Cet homme est fou. Voilà. Mais par contre, il y a une interview que j'ai retrouvée de 1980 dans laquelle il mentionne déjà l'écriture de ça comme étant entamée, en parallèle de la réécriture de Cujo, et en fait il le mentionne de manière amusante parce que le journaliste qui l'interroge s'appelle Michael Henlon. Ah ! Voilà. Rigolo. Et d'ailleurs, dans cette interview, anecdote rigolote, King se plaint déjà de ne plus écrire autant de mots par jour qu'avant. Et j'ai l'impression que c'est une plainte qu'il fait toujours, et il sort toujours de livres par an en fait. Vraiment, cet homme est incroyable. Il s'inspire aussi pas mal, évidemment, de sa propre enfance, et probablement un peu du comportement de ses enfants, vu qu'ils étaient à peu près dans cette zone d'âge-là, pendant l'écriture. Et donc, ça va évoquer... se rappelle de ses premiers amours. Apparemment, les friches, ça s'est inspiré d'endroits où il traînait réellement. Un de ses frères avait vraiment eu le projet de construire un barrage. Donc voilà, un camarade de classe qui bégayait à part quand il faisait de la bicyclette. Tout ça, c'est des choses reprises à son enfance. Le roman, dès son premier tirage, est tiré à 800 000 exemplaires, contre 270 000 pour Christine, qui est le précédent King en solo publié chez Viking Press. Alors il avait publié pas mal d'autres trucs entre les deux, mais soit chez d'autres éditeurs, soit c'était des livres collaboratifs pour le Talisman. Et il va gagner le prix British Fantasy Award en 87 et être nommé pour les prix Locus et World Fantasy Award. C'est la meilleure vente de romans à couverture rigide de l'année 1986 avec 1,2 million d'exemplaires écoulés. Le livre est sorti en septembre, je crois, de l'année, donc bon, ça va. Selon Publisher Weekly, évidemment, ces chiffres. Les critiques sont pas si unanimes que ça. À la sortie. La longueur du livre est régulièrement reprochée, il y en a beaucoup qui voient juste un livre d'horreur assez banal mais qui dure longtemps. La justification du suicide de Stan est vue par certains comme étant pas convenable, alors qu'il est vu soit comme un reproche, soit comme une qualité. Il y a le fait que le comportement des enfants est assez idéalisé, finalement c'est un peu des enfants parfaits, on va dire, entre guillemets, sur certains points. Et bien entendu, alors, une critique en fait, qui ne se trouve pas vraiment apparemment dans les critiques de l'époque. Alors je reprends ça à un article de Peter Dark, qui a fouillé vraiment les critiques de l'époque. Les critiques sur la scène de sexe n'ont pas lieu à l'époque, c'est-à-dire c'est un événement qui n'est pas mentionné. D'accord. Pour le poser pour les lecteurs, en fait, à la fin du livre, dans la période enfant, afin de retrouver leur chemin, chacun des 6 garçons du groupe va coucher avec la seule fille du groupe. Et c'est avec le temps une scène qui a été souvent reprise pour dire « bon, bah, ça passe bizarre quand même, comme scène, voilà. » Mais il semble que c'est effectivement une critique qui a plutôt émergé avec le temps, et donc avec l'évolution des mœurs sur ce genre de phénomène. Oui. Une tournante entre enfants de 12 ans, bon, c'est quand même... Voilà. C'est particulier, quand même. Mais donc, King a eu l'occasion de s'exprimer à ce propos, parce que c'est un élément sur lequel on lui a demandé une justification. Donc voilà comment King justifie cette scène. Je ne pensais pas vraiment au côté sexuel. Le livre parlait de l'enfance et de l'âge adulte. 1958, puis plus tard. Les adultes ne se souviennent pas de leur enfance. Aucun de nous ne se souvient de ce qu'on faisait enfant. On pense que c'est le cas, mais on ne se souvient pas de ce qui s'est vraiment passé. Intuitivement, les ratés savaient qu'ils allaient devoir se réunir. L'acte sexuel connecte l'enfance et l'âge adulte. C'est une autre version du tunnel de verre qui connecte la librairie des enfants et celle des adultes. Les temps ont changé depuis que j'ai écrit cette scène, et ces questions sont plus sensibles maintenant. J'ajouterais simplement que cela me fascine de voir qu'on a autant parlé de cette unique scène et si peu de tous les meurtres d'enfants. Ça veut probablement dire quelque chose, mais je ne sais pas trop quoi. Mais ce que ça veut dire, c'est que la pédophilie, c'est pas terrible, quoi. Oui, effectivement, mais je comprends, tu vois, qu'en 86, au milieu des années 80, cette dimension pédophile n'est pas ressortie et que, ça a été vu plus dans une dimension symbolique. Surtout, on peut ajouter le fait que, oui, c'est, le livre est destiné à des adultes, mais finalement, c'est quelque chose que les enfants font entre eux. C'est... Dans le lore du roman, la scène n'est pas pédophile, on va dire. Oui, oui. En fait, elle est si... En fait, comment dire, elle le serait si ça serait écrit de manière à exciter le lecteur. Ouais, c'est ça. Et la lecture, c'est pas ce que moi j'ai ressenti, mais c'est quand même dérangeant. Oui, voilà, c'est clairement, les mœurs ont évolué et aujourd'hui ça a plus de mal à passer de manière tout à fait légitime. C'est plus dur de voir ça juste symboliquement. Bah, quand il y a eu plein de problèmes avec les questions de pédophilie et compagnie et que c'est devenu un sujet. De manière compréhensible, assez tabou. Oui. Mais donc voilà, je tenais à revenir sur cette polémique. C'est évidemment un roman qui est très très très apprécié des lecteurs de King. On va quasiment toujours le retrouver dans des tops de ses œuvres. King lui-même le considère clairement comme un des aboutissements, un des sommets de sa carrière, même si c'est pas forcément son livre préféré. Donc voilà, c'est un livre culte, on peut le dire. Et on va pouvoir en passer à nos avis. Je te laisse commencer. Que dire ? Si ce n'est que ça est véritablement l'un des meilleurs romans de son auteur. Vu qu'on va aborder tous les bons points du livre, je vais juste commencer mon avis par ça. C'est que clairement, c'est l'un de mes romans préférés de King. Ma première lecture m'avait beaucoup marqué quand j'étais ado. Pour l'occasion du podcast, je l'ai relu. Et la seconde lecture a été tout aussi impressionnante, si c'était plus. Parce que forcément, en grandissant, tu te formes un avis, et un avis littéraire, et tu te forges une opinion sur l'écriture de tous les auteurs que tu as pu apprendre, et véritablement, King n'a jamais été aussi bon, en termes d'écriture et de style, que sur ça. Bah, je suis globalement assez d'accord, alors jamais aussi bon, je pense qu'il y en a d'autres qui arrivent à peu près au même niveau, mais effectivement c'est un excellent roman, moi c'est d'autant plus marquant que c'est le premier King que j'ai lu, donc quand j'étais ado, pareil, et j'avais lu, en fait j'avais pris le livre un peu par hasard, parce que quand j'étais petit j'avais une nounou qui adorait Stephen King, et je voyais régulièrement les livres dans sa bibliothèque, et du coup des années plus tard, je me suis dit tiens pourquoi pas. Tu t'es retrouvé devant cette cover que t'avais voilà, déjà vu tout ça. Petit. Et oui, c'est très très marquant, d'autant plus, alors on va pas trop en reparler parce qu'on y reviendra plus tard dans l'émission, mais le début est extrêmement marquant de ça. Et puis voilà, on va suivre ces personnages pendant, en version française, quasiment 1500 pages. On les voit à deux périodes, leur psychologie est creusée, les scènes horrifiques, il y en a plein, et elles marchent. Ça va reposer sur plein de peurs, plein de rapports à l'enfance. Très souvent des peurs que chaque personnage a vécues dernièrement. Ouais, c'est ça, c'est soit lié à des traumatismes personnels, soit lié à des idées de, on va dire, de pop culture de leur époque. Oui, pour le gamin qui voit la momie, par exemple. Ouais, c'est ça. Il y a aussi Frankenstein, à un moment, voilà. On sent que c'est un livre où King a mis tout son cœur dedans et tous ses souvenirs. Effectivement, la partie enfance, elle est très crédible, je trouve, grâce à ça. Effectivement, il y a peut-être un peu le côté souvenir en fait d'enfance où on idéalise un peu ses souvenirs sur certains points, mais c'est totalement cohérent avec le principe que le livre se passe sur deux époques et que les adultes doivent se souvenir. D'ailleurs, dans le roman, il y a totalement l'idée que en fait les flashbacks, c'est les différents personnages adultes qui se souviennent petit à petit de ce qui leur est arrivé, de ce qui les a amenés là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va avoir aucun flashback, je crois, du point de vue de Stan. Oui, oui. Parce que Stan, pour ceux qui n'auraient pas lu et qui seraient encore à nous écouter, en apprenant la nouvelle du retour de ça, en fait, se suicide dans sa baignoire. Oui. Et tous les souvenirs reviennent en surface. Voilà, c'est ça. Enfin, il sent que tout va revenir, il sent que ça va être trop horrible, et donc il préfère se tuer. Parce que les premiers souvenirs reviennent, du coup. Oui, ouais, voilà. En fait, quand les personnages, quand ils ont réussi à le vaincre en étant enfants, ils ont quitté la ville de Derry, à l'exception de Mike, donc le personnage qui les recontacte. Et en fait, en quittant Derry, tous les souvenirs liés à ça ont disparu. C'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, quand Mike les rappelle, paf, t'as tous les souvenirs qui reviennent. Et donc, en fait, c'est ça, tous les passages de l'enfance. Et qui reviennent au fur et à mesure. C'est ça. C'est quand ils vont réaffronter vraiment dans les égouts la créature, que les souvenirs des derniers moments reviennent. Mmh. Parce qu'en fait, on dit le livre est sur deux époques. Alors oui et non, parce qu'en fait, tous les passages enfants, ce ne sont que des flashbacks. Oui, en fait. C'est dans la mesure où ils constituent plus de la moitié du roman. Voilà. En fait, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'en termes de construction et intradigétique, c'est des flashbacks. Oui. C'est pas juste première époque, seconde époque. Oui, effectivement. C'est ça qui est intéressant, parce que très souvent, on va avoir un chapitre âge adulte, et tout d'un coup, ça va s'arrêter pour être projeté directement dans le passage enfant. Et très souvent, ça se fait via des phrases. Genre, il y a un personnage qui prononce une phrase et la phrase se termine à l'arrivée du chapitre enfant. Ça se fait de plus en plus au fur et à mesure que le livre avance, comme si ils arrivaient de mieux en mieux à se souvenir. Ça, c'est une des très bonnes idées. C'est ça. C'est comme si les souvenirs étaient de plus en plus connectés au présent. Tandis qu'au début, il y a une plus grosse déconnexion avec la partie tout d'abord l'ombre. Alors, où il y a un des vrais flashs, enfin une scène qui se passe vraiment à l'époque pour le coup, parce que c'est là qu'il y a la mort de Georgie, hein, on va quand même dire ce que c'est. Là pour le coup, ça se passe réellement à l'époque du point de vue de Georgie. Mm. Et après, par contre, ça passe directement à au nouveau cycle de Gritsu, avec après la fête qui est la mort d'Adrian Mellon et de son compagnon. Mm. Donc le meurtre homosexuel dont on parlait un peu plus tôt. Et ensuite, il y a la partie tout d'abord l'ombre qui est que dans le présent. Enfin, on voit comment les personnages en sont arrivés là, mais ça parle pas du tout de l'année 58. Et après, il y a un très long bloc qui se passe que en 58, et c'est seulement après que ça a commencé à beaucoup plus se mélanger. Ouais. Donc il y a vraiment, à ce niveau-là, la construction est super intelligente déjà. Une construction éclatée totalement. Ouais, mais très bien gérée, toujours très claire. Oui, c'est ça. C'est que c'est éclaté comme pas permis, mais qu'à aucun moment de ta lecture, tu te sens perdu, quoi. C'est tout à fait fluide. Et toi, en tant que lecteur, à aucun moment tu dis « Attends, je comprends pas, on est à quelle époque, où est-ce qu'on est, c'est quel personnage ?» Non, à aucun moment. Les seuls autres éléments qui ne vont pas concerner ces temporalités-là et qui ne vont pas concerner le cast de personnages principaux, ça va être d'autres flashbacks de précédents cycles de ça, en fait, du sommet des précédents cycles de ça. C'est les archives que parcourt Mike. Ouais, ensemble, ça revient aux archives de Mike. Donc il y a l'incendie du bar par le Ku Klux Klan, qui fait un nombre de victimes incalculable. Où est le père de Mike, là, pour le coup, il apprend directement de sa bouche. Il y a la fusillade en pleine rue, qui est pareil, qui dégénère en boucherie totale. Et il y a le massacre aussi à la hache, dans un bar. Alors du coup, t'en as oublié un autre, t'as oublié la recherche des œufs de Pâques. Oui, l'usine qui explose, oui. En plus, il est bien marquant aussi. Ouais. Et celui-là est très long et très marquant. Mmh. Donc voilà, on sait que les cycles de ça finit remarquablement mal, et comme ça émaille vraiment le roman au fur et à mesure qu'on approche. On sait que si les enfants et les adultes n'arrivent pas à le stopper, il va y avoir une boucherie en fait qui va être commise. Donc c'est très bien d'avoir fait ça. Il y a quelques autres personnages qui tournent autour des ratés, qui vont avoir leur point de vue, alors notamment Henry Bowers, qui est leur bourreau un peu quand ils étaient ados, qui les persécutait tous. Et qui, une fois adulte, bon, il a été interné suite aux événements de 58. Et adulte, Gripsou va l'aider à s'évader pour continuer faire sa mission, en faire un serviteur. C'est ça. Il y a aussi la femme de Bill qui va revenir. Alors, c'est la seule qui revient, qui n'est pas utilisée comme antagoniste, mais au contraire comme otage, en fait, par Gripsou. Et le mari de Beverly qui est là-bas. Donc, qui lui est un sombre connard. En même temps, on vient de dire qu'il l'a bas. Ah, donc, oui, il n'y a pas besoin de le préciser en fait. Il y a un autre point qui est très intéressant, du coup, dans tout ce qui est archives de Mike, c'est que c'est des passages où on comprend que Gripsou ne s'en prend pas qu'aux enfants. Oui. Les enfants ne sont pas que ses principales victimes, mais ce n'est pas uniquement sur ça qu'il s'attaque. C'est vraiment, en fait, lui, ce qui le fait grandir, c'est vraiment la haine et la peur. Ouais. Parce que, c'est le fait de faire monter la haine chez les autres, comme l'attaque du couple homosexuel, par exemple. Oui. Il fait monter la haine chez certains pour se nourrir de la peur que les victimes éprouvent. Oui, et c'est après, ça. Ensuite, pour tuer les victimes et s'en nourrir lui-même. Ce qu'il va faire aussi sur le père de Beverly, notamment. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il fait, donc, du coup, pour... et aussi, pour la grosse fusillade, quoi. Oui. Un gros carnage, forcément. Le massacre à la hache, c'est la même idée. Le Ku Klux Klan, c'est la même idée. Ouais. D'ailleurs, justement, à ce niveau-là, c'est assez intelligent d'avoir enchaîné la mort de Georgie et la mort du couple homosexuel. Enfin, il y en a qu'un qui meurt des deux, du couple homosexuel. Mais ces deux scènes-là, parce qu'il y en a une qui est vraiment la dimension horreur fantastique, ouais. Et l'autre, par contre, elle est méga terre-à-terre, justement. Ouais. Ça permet de montrer les deux aspects de Gripsou, qui peut être une créature fantastique, mais qui a aussi une influence sur le vrai monde et une influence concrète, en fait. C'est ça. Elle est terre à terre, mais on sait que c'est lui qui provoque tout ça. Ouais, on le sait, mais ça a des effets vraiment physiques. C'est ça. Alors, évidemment, autour des ratés, on n'a pas encore vraiment parlé des personnages, mais je les trouve super attachants, moi. Pas tous, hein, tous les gamins. Ouais, c'est ça. Tous vont être la représentation d'un traumatisme ou d'une oppression différente. Donc, Bill Denbrough, lui, c'est plus le traumatisme de la mort de son frère, et il y a son bégaiement qui fait qu'on se fout de sa gueule. Voilà. Stan est juif. Beverly est une fille. C'est une fille. Eddie, il a une mère qui a ça, un nom comme syndrome, mais j'ai oublié ce que c'est. Le fait de vouloir couver son enfant, en fait. C'est une hypocondrie par procuration. Oui, voilà, c'est ça. Elle va le considérer comme malade, et donc lui va être persuadé d'être malade, alors qu'en réalité, il a rien. Et puis elle est surprotectrice. Ouais, c'est ça. Ben est obèse. Oui. Et Mike est noir. Noir. Donc ils ont tous quelque chose qui fait que, entre grosses guillemets, ils méritent de devenir les victimes de Henry Bowers et des autres, et même de plusieurs gens de la ville, en fait. Les thèmes des oppressions sont quand même pas mal présents chez plusieurs personnages. Oui. Oppression ou inaction. Oui, ou inaction. Pour le cas où Bill se fait attaquer par la bande, ils veulent lui lacérer le bide parce que Bowers veut écrire son nom sur son ventre. Ouais, c'est Ben. Ah, c'est Ben, ouais, Ben. Bowers veut écrire son nom sur son ventre, et à ce moment-là, avant que ça ne commence, et donc au moment où il pourrait déjà être secouru, il y a une voiture qui passe, ouais. Les gens dans la voiture le regardent, et ils continuent leur route. Ouais, trace leur route. Mais, dans le film, c'est ça, je sais pas si je me souviens plus si c'est pareil dans le roman, parce que le film nous fait comprendre que du coup, si les gens continuent, c'est un peu une influence de Gripsou. Oui. Parce qu'on voit le ballon qui surgit. Alors, l'image est plutôt sympa. Mais je sais plus si dans le roman, c'est Gripsou qui agit à ce moment-là. Je ne crois pas que ce soit aussi explicitement dit, mais c'est quand même. À la limite, tu peux sous-entendre, c'est un petit couple de vieux, tu peux comprendre. Oui, totalement. Ils osent pas agir, mais ouais, c'est. Mais t'as quand même cette thématique qui est bien présente. Mais après, quoi qu'il en soit, vu que ça se passe à Derry, la bande à Bowers est orientée par Gripsou. Oui, ça, clairement, c'est une bande d'adolescents... Un peu con. Un peu con, faut bien admettre que Bowers, lui-même, a pas une vie très cool, quoi. Son père, son père est flic, déjà, ça commence mal. Je sais pas. Et il lui cogne dessus, l'humilie régulièrement, donc ça entretient ça. Les autres, par contre, sont pas du tout développés, en termes de caractère. Non, mais les autres, d'ailleurs, au moins un des deux, Victor, va s'éloigner un peu de Bowers, va vouloir s'éloigner un peu de Bowers à un moment et prévenir les jeunes que c'est en train de partir en couille. Ouais, que l'autre va trop loin. Ouais. Totalement, voyez. C'est le roteur, je crois. Ouais. C'est le roteur. Le roteur, c'est celui qui meurt avec les sangsues, là. Non, c'est Patrick Hofstetter qui meurt. C'est Hofstetter qui meurt, ouais. Oui, c'est Victor, le roteur. Ouais. Le roteur, c'est lui qui, au moment où Bowers commence à lacérer Ben, commence à se dire on va peut-être un peu loin là, non ? Oui, à un moment, il avertit aussi clairement les enfants que faut vraiment fuir Bowers maintenant. Ouais. C'est un fou dangereux. Donc les personnages sont vraiment bien écrits. On sent que King, il a un tournant dans sa carrière. C'est un des derniers livres de sa période où il y avait beaucoup d'enfants en danger. Donc il va traiter de la jeunesse. Avant, il y avait eu Cujo, Cimetière, Charlie. On peut mentionner Carrie, même si elle est un peu adulte, quand même. Shining, évidemment. Donc il y avait eu. La Nuit du Loup-garou, même si c'est pas bien. Donc il y avait eu toute une période où les enfants en danger, c'était des figures importantes chez King. On peut supposer que c'était lié au fait qu'il avait lui-même des enfants plutôt jeunes. Ouais. Et bah finalement, en fait, ses enfants ont grandi pendant l'écriture de ça. Et après, pendant des années, c'est devenu un thème un peu plus secondaire chez lui. Ça revenait par moments, mais c'était plus en retrait. Et c'est rigolo parce que j'ai l'impression que depuis quelques temps, maintenant qu'il a des petits-enfants aussi probablement, c'est en train de revenir. Il y a plusieurs romans avec des enfants en personnages importants de ces dernières années chez lui. Mmh. Et donc ça met fin à une période et en même temps ça ouvre le début de la période où King va vouloir traiter de thèmes beaucoup plus sociaux dans ses livres. Donc là, des discriminations en général, j'ai des choses qui vont revenir dans des choses dont on a déjà parlé. On a déjà parlé de Jesse... Et il y en a plein d'autres après où il va vouloir parler de racisme, de sexisme, de femmes battues, de ce genre de trucs. Mm. Et on sent encore des fois un peu les maladresses dans ça, mais on sent déjà toute l'envie réellement de faire passer des messages dans son œuvre, des messages positifs, et qui se développera par la suite. Et je pense que maintenant c'est devenu un élément assez important chez King. Clairement, la scène de sexe en conclusion avec tout le groupe, oui, ça fait partie des soucis. Oui, voilà, c'est ça. Même s'il veut montrer le sexisme, le père abusif, le père violeur, hein, c'est pas dit clairement, mais bon, oui. Le sous-entendu est suffisamment gros pour qu'on comprenne que Beverly a été victime d'agression sexuelle de son père, quoi. C'est clairement. C'est pas équivoque. À aucun moment t'as le doute. Ouais, c'est clair ça, et net. Tu peux pas l'avoir. C'est pas dit clairement, mais c'est clair et net. Mais oui, c'est comme le traitement de Mike. Hein. Enfin, Mike, tu sens la dénonciation du racisme, mais vraiment par moment, à la lecture, tu te dis qu'en fait, Mike ne sert limite qu'à ça, par moment. À être une dénonciation contre le racisme. Ouais. Tu vois, Mike n'est vraiment utile qu'à partir de l'âge adulte, et encore, même à l'âge adulte, il devient très vite hors jeu. Oui, c'est très dommage. Ouais. Mike, c'est vrai qu'il a rempli le rôle de d'archiviste du groupe en fait. C'est le seul qui reste à la vie. Ça aussi, c'est quand même bien pensé parce que chacun va avoir vraiment son rôle dans le groupe. Mike, c'est l'archiviste. Ben, c'est le mécanicien. Ouais. Enfin, chacun va avoir comme ça un petit poste à remplir et son rôle face à ça. Richie, c'est celui qui redonne un petit peu de pulp au groupe. On n'en a pas parlé d'ailleurs de Richie pour l'instant. Bah, Richie, il est. En fait, c'est un peu le petit con. C'est celui qui est toujours dans la blague, dans la petite provoque. Mais justement, tu sens qu'il fait ça pour se protéger, en fait, tout le long. C'est celui peut-être qui cache le plus longtemps. Je crois que c'est un de ceux qui a le plus de mal à dévoiler qu'il a vu. Je sais plus si c'est lui ou Eddie qui a beaucoup de mal à dévoiler qu'il a vu Gripsou. Non, c'est lui, parce que Eddie... Attends. Eddie, je crois que c'est le dernier à le voir. Non, ou alors c'est Stan, je sais plus. Ouais, je crois que ça vient assez tard. Il y en a un des deux, Eddie ou Stan, qui est le dernier, donc du coup, c'est celui qui y croit pas du tout, parce que c'est le dernier à le voir, quoi. Je crois que c'est Eddie, le dernier. Et donc oui, chacun va être confronté à ça, il va avoir un duel différent avec lui. Même plusieurs duels. Ouais, et même plusieurs, à force, parce qu'après, ils vont commencer à enquêter vraiment dessus. Mais du coup, ouais, chacun va avoir son rôle à jouer vraiment dans l'équipe. Au final, effectivement, dans le final, moins Mike, parce qu'il va être blessé par Henry, justement, avant la fin de la période adulte. Ce qui est peut-être un peu dommage, mais bon. Bah, parce que du coup, ça sort le personnage du récit, donc... Ouais, c'est ça. Oui, c'est dommage. C'est pour ça que, du coup, je trouve que, mis à part sa valeur de représentation de minorité, pour être une critique du racisme, il ne sert pas à grand-chose, quoi. Du coup, il ne sert qu'à ça, au final. C'est ce qui est un peu triste. Donc voilà, c'est un livre, stylistiquement, comme on l'a dit, qui est très réussi. Alors que c'est très long, il n'y a pas de temps mort dans ça. Il se passe toujours des choses. King arrive bien à amener des moments de bonheur un peu plus insouciants à l'intrigue, qui fait croire vraiment à leur amitié quand les enfants vont construire le barrage, notamment leur cabane. Le fait que des fois ils aillent au cinéma ensemble, pas forcément tout le groupe réuni, mais au moins une partie, ça fait qu'on va vraiment croire à cette relation entre eux. Parce que ça prend beaucoup de temps, parce qu'il y a toujours ces moments-là qui entrecoupent l'horreur, malgré l'horreur, justement. Et même plus tard, une scène très réussie, c'est quand ils se retrouvent tous à l'âge adulte, dans le restaurant chinois. Oui, effectivement, ouais. Une scène qui est très réussie, qui est plutôt longue, puisque du coup, ils se racontent tout ce qu'ils sont devenus, ils parlent un petit peu. Et à ce moment-là, le moment horrifique de la scène arrive, alors qu'on s'y attend pas, quoi. Ouais. Avec le premier truc qui arrive, bah, c'est la tête de Stan, du coup, qui est dans le frigo. Mm. Bah, qui leur fait comprendre que la Stan c'est fini quoi, la Stan ne viendra pas. Et après c'est les gâteaux chinois, les fortune cookies ouais, qui se transforment en créatures toutes plus dégueulasses les unes que les autres. Et dans le roman ça rend vraiment bien, et puis c'est vraiment, ça arrive de manière tellement brutale qu'on s'y attend pas. Ouais, c'est ça qui est fou, c'est dans un roman horrifique il arrive à être surprenant régulièrement dans les moments où Gritsu va apparaître ou dans les formes qu'il va prendre. Et ça fait pas. C'est aussi parmi ces scènes, souvent dans les histoires comme ça, moi les détails qui me terrifient, c'est quand tu vis quelque chose d'horrible comme ça et que tout autour de toi personne s'en rend compte. Oui. Parce que t'as ce passage là du coup où eux ont les fortune cookies qui se sont transformés en monstres. Donc il y en a un qui a un œil à l'intérieur, il y en a un qui s'est transformé en espèce de poussin dégueulasse. Et à ce moment-là, tu as la serveuse qui rentre pour voir si tout se passe bien, et eux, ils sont obligés de se tenir calme et de pas faire attention à ce qui se passe pour lui dire « Oui, tout va bien, on veut l'addition. » C'est une scène qui est totalement ratée dans le film, on en parlera. Oui. Je comprends pas comment tu peux rater une scène comme ça dans le film, mais c'est pas grave. Mais globalement, ça, c'est bien creusé aussi, le fait que Gripsou, soit l'aveuglement de l'âge adulte, fait que quasiment tout le monde en fait va fermer les yeux sur ce qui se passe dans la ville. Alors que tout le monde sait qu'il se passe des trucs abominables, et un des seuls adultes en fait à avoir cette conscience, c'est le père de Mike, pour le coup. Alors, pour le coup, j'allais dire, il me semble, mais non, c'est dit clairement dans le roman que Gripsou n'y est pas pour rien. Oui. Que, avec ses pouvoirs, il agit sur la mémoire collective de Derry. Oui, c'est ça, mais je trouve que métaphoriquement, ça dit quand même quelque chose d'une civilisation où il peut se passer des choses horribles et où il y a plein de gens qui vont fermer les yeux, qui vont savoir dans leur subconscient que ça se passe, mais vont tout faire pour l'oublier, vont se détourner. Oui, parce que c'est inconsciemment, c'est la peur de tout perdre si tu prends le risque d'intervenir. Ouais. Donc tu te protèges toi-même en ne faisant rien, quoi. Dans ce qui, oui, ce qui est horrible, mais ça a beau être quelque chose d'horrible, c'est quelque chose que tu peux à la limite comprendre. Oui, totalement, oui. Voilà, la peur de t'impliquer, parce que toi aussi, du coup, t'aurais peur de crever. Mm. Voilà, ça peut se comprendre. Mais, effectivement, c'est quand même une critique qu'il faut relever. Parce que ça peut se comprendre quand c'est une seule personne, et quand c'est tout un groupe qui fait genre de ne rien voir, là, oui, c'est plus problématique. Oui, c'est ça, toute la ville, hein, y compris les flics, les fois où on les voit intervenir, c'est toujours à côté de la plaque, et c'est toujours en essayant de mettre la poussière sous le tapis. Voilà. Et eux-mêmes, oui, t'as l'impression qu'ils savent pas trop. D'ailleurs, t'as cette déconnexion qui est montrée, parce que Mike, lui, il intervient sur les lieux de crime, en fait, il mène des enquêtes de son côté, quand les flics retrouvent des cadavres d'enfants, voilà, lui-même, il est là, et tu sais que lui, il sait, et que la police, non. Il y a l'idée dans le roman d'une ville où il y a toujours des limites, des affichettes d'enfants disparus un peu partout, que c'est devenu une coutume presque, enfin une habitude de la ville d'avoir ces affichettes partout. Mais t'as un flashback dans la période enfant, du coup, qu'à un moment, Mike le dit, oui, que c'est l'une des villes, les villes américaines où il y a le plus haut taux de disparition d'enfants chaque année. Ouais, donc c'est... Il y a vraiment une ambiance oppressante qui va conclure sur la destruction de la ville. Hein. Oui. La fin, c'est l'apocalypse pour tout Derry, avec tout qui ressort au grand jour. Mm. Ah oui, t'as vraiment t'as une chape de plomb sur... Et ça, c'est... Je crois que c'est vraiment peut-être son roman, avec Bazar un peu, où il traite le mieux d'une ville qui arrive dans un tel état d'épouvante qu'elle se referme complètement sur elle-même. Mm. Je trouve que dans Bazar, ça marche bien aussi, quand même, peut-être... Dôme aussi. Ouais, mais dans Dôme, il y a concrètement une chape sur la ville. Ouais, mais il s'y passait des trucs dégueulasses avant même effectivement, que le Dôme ne soit posé. Oui. Mais après, du coup, le Dôme est une métaphore, du coup, de... Le Dôme en lui-même est une métaphore de la ville qui se renferme sur elle-même, quoi. Oui, c'est ça. Mais ouais, c'est oui, c'est un livre très réussi, tout est qui est régulièrement terrifiant, et voilà, qui est un King qui est au sommet tant dans l'horreur que dans le côté plus touchant, et c'est ça qui fait, je pense, que l'horreur marche, hein, de toute façon, c'est qu'on s'attache beaucoup à ces personnages au fur et à mesure, et à leurs aventures. Ah oui, clairement. C'est vraiment une vraie amitié qu'on voit se développer, au fur et à mesure de la lecture, quoi. Parce qu'au début, ils sont que trois. Au début, c'est que Bill, Richie et Eddie. Ouais. Ah, peut-être Stan aussi, qui traîne. Stan aussi un peu, ouais. Un petit peu. Beverly rejoint en cours de route, effectivement, ouais. Suite aux événements de la... En fait, Beverly se rapproche d'abord de Ben, qui est le nouveau venu dans la ville. Via Ben, qui va être sauvé par les autres, ça va former le groupe où ils sont ensemble. Et Mike arrive plus tard. Ouais. Parce que lui, Mike, du coup, fait l'école à domicile. Ouais. Il n'est pas scolarisé à l'école, quoi. Parce que sa famille sait que ils sont dans une ville de gros fachos, donc ils vont pas envoyer le gamin à l'école, quoi. Bah d'ailleurs, on peut supposer que c'est pour ça que le père est moins endormi que les autres. C'est pour ça qu'il est pas dans la ville en elle-même, le père de Mike. Bah, je pense surtout que parce qu'il a vécu un événement. Aussi, mais bon, a priori, c'est pas forcément le seul à en avoir vécu. C'est-à-dire, sur le Ku Klux Klan, on peut supposer qu'il y en a qui sont encore vivants dans la ville, oui, c'est vrai. Qui en faisaient partie. Ah, mais il me semble que lui, il l'a vu. Lui, il l'a vu, oui. Est-ce qu'il en parle dans... Oui, en sortant, en essayant de s'échapper du bar, il le voit, Donc c'est peut-être ça, en fait, qui fait qu'il l'a pas oublié, parce qu'il l'a vu, Gripsou. Mais je pense que c'est vraiment mélangé au fait qu'il s'est moins mêlé à la ville, de manière générale. Oui, c'est peut-être aussi ça, ouais. Mm. Mais donc voilà, alors petite anecdote, moment de peur en lisant ça, quand à l'époque où je relisais ça, parce que je l'ai relu aussi vu que ça faisait longtemps, oui. Un jour en sortant de chez moi, un matin, alors qu'il n'y avait personne dans la rue, t'as vu un clown ? Le long du, presque, mais le long du caniveau, je vois passer en flottant le ras du sol un ballon rouge en forme de cœur qui traverse toute la rue le long du caniveau comme ça. Je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être rentrer, hein. Voilà. Ah, c'était ça le fameux SMS, Chris. À l'aide. Je l'ai pas bien. Ah oui, c'est des anecdotes, oui. Bah, si tu veux, c'est le genre de bouquin où quand tu le lis, quand t'es à la maison, et que tout d'un coup, tu sens un truc poilu qui te court entre les jambes, en fait, c'est juste un chat, tu vois. Oui. Mais sur le moment, tu te chies dessus. Sur le moment, t'es pas rassuré. Mm. Mais vraiment, c'est vraiment le genre de roman. Alors, petite anecdote, moi... Le noir, ça peut m'effrayer un peu. En fait, c'est pas la peur du noir. Ce qui m'effraie le plus, c'est la peur de ne pas être seul chez moi alors que je pense être seul chez moi. Ça, c'est quelque chose qui me terrorise et c'est pour ça que les films d'horreur de Home Invasion fonctionnent ultra bien sur moi. Parce que c'est une peur que j'ai régulièrement. Même si j'en ai pas vu, j'aime bien vérifier que la porte est bien fermée avant d'aller me coucher. Oui, je vérifie aussi. et c'est vraiment le genre de roman qui m'est pas bien. Parce que t'as plein de passages où les personnages pensent être safe chez eux et non. Non, moi du coup maintenant, dès que j'entends du bruit dans mes canalisations, je fuis. Ah bah ça, on a appris au moins, c'est une chose que nous aura appris King, hein, au moins, ça, se méfier des égouts et des canalisations. Voilà. Mais oui, c'est vraiment un bouquin véritablement effrayant. En termes de peur, c'est peut-être l'un des King les plus efficaces. Oui, je pense. En même temps, comme il le dit, il met tellement de choses aussi, il mélange tellement à la fois de choses de culture, de peur, de traumatisme que tout le monde peut avoir un peu à différents degrés. Mm. Le mélange fonctionne très bien. C'est ça. C'est de la peur viscérale en fait. Parce que le livre est pas tellement gore ou alors très descriptif. Oui, à quelques petits moments près. À quelques créatures près, genre le lépreux. Ouais, la mort de Patrick Hosketer est assez violente. Mais sinon, c'est pas vraiment graphique, quoi. C'est vraiment de la peur très oppressive et très, très dans l'instant et très dans l'atmosphère que les scènes dégagent. Quoi. Mmh. Même la fin avec le rituel de Chad, qui est totalement surréaliste, je trouve ça intéressant que ça parte dans quelque chose de très improbable, de très grand guignolesque, ce qui est cohérent avec le fait que une des formes favorites de ça, c'est un clown, Gripsou. C'est d'ailleurs pour ça que souvent dans la culture populaire, on croit que ça c'est un clown, mais en fait il change de forme, ça. Sa forme préférée. Ouais, mais du coup il y a un côté très absurde dans la fin où tu vois vraiment créature d'un autre monde, créature clownesque, et je trouve que ça marche assez bien. ça, c'est peut-être l'un des premiers King où on voit l'amour que King a pour Lovecraft. Oui, effectivement, parce que, là... clairement, c'est une créature lovecraftienne, en vrai. Oui. Ça, parce que, donc, à la fin du... Pour ceux qui n'ont jamais lu de roman, le roman, ça, vraiment, à la fin, on apprend qu'en fait, c'est une créature intradimensionnelle qui, bah, qui un jour, est atterrie sur Terre, et du coup, elle y est restée, parce qu'on est bon. Apparemment, on serait bon à manger, donc du coup, elle a décidé de rester là. Et vraiment, la fin du roman est ultra mystique, quoi, parce qu'après, les enfants sont aidés par une entité cosmique, une tortue cosmique qui leur apporte leur aide. Qui les aide à lasser leurs chaussures. Hein. Ils font... et ça pourrait être ridicule, mais non, en fait. C'est plutôt bien amené. Alors, du coup, c'est en parfait décalage avec tout le reste du roman. Et quoique, parce que l'aspect mystique, on l'a quand même de petites doses par-ci par-là. Oui, on sent que c'est caché et que les personnages doivent s'y plonger pour l'affrontement. Voilà. Mais c'est super intéressant. Mmh. Et c'est, ouais, pour le coup, c'est la première fois que King nous montre que lui aussi, il a lu Lovecraft et que ça a dû le marquer, quoi, forcément. Oui, c'est ça. Donc voilà un roman qu'on vous conseille beaucoup. Ah oui. Qui est un très beau livre, évidemment, bon, plutôt à conseiller aux personnes qui aiment l'horreur. Hein, si vous n'aimez pas du tout l'horreur, c'est pas parce qu'il y a plein de moments dramatiques chouettes que ça va passer. Hein, mais voilà. Mais non, parce que les moments d'horreur sont véritablement horrifiques. Oui, ils sont quand même assez longs, ils sont quand même nombreux, faut pas, pas se le cacher. Ils sont vraiment terrorisants. Mais un très très grand King, légitimement considéré parmi ses meilleurs. Oui, et qui est amplement mérité. Sur le roman, t'as des choses à rajouter ? Bah écoute, non. Je pense qu'on a fait le tour. Eh bien, on va attaquer les films, et c'est parti pour un moment. En avant, Silver ! Ça, c'est la petite référence. Ouais, ouais, bien, bien. Derry n'est pas une ville comme les autres. Ici, les gens meurent ou disparaissent 6 fois plus que dans le reste du pays. Et je parle que des adultes. Les enfants, c'est pire. Bien, bien pire. On flotte tous ici. J'ai vu quelque chose. C'était... un clown. Moi aussi, je l'ai vu. Regardez. Tout est relié par les égouts. C'est là que ça vit. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Viens avec moi, tu flotteras aussi. Georgie. Tu flotteras aussi, tu flotteras aussi, tu flotteras aussi, tu flotteras aussi. Alors, les films. Il y avait déjà eu, comme nous l'avons dit, une adaptation de ça sous forme de mini-série pour ABC en 1990, mais le projet d'adaptation pour le cinéma date de 2009. Enfin, les premiers signes que j'en retrouve, c'est 2009 chez la Warner. Le premier scénariste à travailler sur le projet est Daniel Kashganik, qui à l'époque avait déjà scénarisé un film appelé Invasion avec Daniel Craig, je sais pas si t'as vu. Ah non, c'est la relecture des Profaneurs de Sépulture. Je crois, ouais. Non, je ne l'ai pas vu. Et un film appelé Blood Creek, qui est un film de Joel Schumacher avec des nazis, mais que je n'ai pas vu. Ah bah moi non plus. Alors que j'aime bien Joel Schumacher et les nazis. Alors, la phrase est bizarre, dites comme ça, mais... Et depuis, il a travaillé sur une série appelée The Terror et scénarisé le Suspiria de Luca Guadagnino, donc c'est un scénariste plutôt... dans ce genre-là, on va dire, dans le genre horrifique. Alors pour le coup, The Terror, j'ai vu la première saison, c'est plutôt sympathique. Et le Suspiria est très bien. D'après ses déclarations, il voulait un clown moins conscient de sa propre ironie que dans la première adaptation, et en fait, il a dit l'acteur idéal, s'il avait été vivant, ça aurait été Buster Keaton pour lui. Donc vraiment un clown totalement clownesque. J'aurais dit Jacques Villeray. Parce que... oui, oui, mais il était mort aussi. C'est vrai, bah justement, c'est ça, s'il n'était pas mort. Donc déjà à l'époque, le film devait être classé, rated R, donc c'est moins de 17 ans aux États-Unis. Ou Édouard contre... Balladur. Pourquoi pas Édouard Balladur ou Giscard. Mais vous demande de vous arrêter. Votez pour moi, je vais vous jouer de l'accordéon. Pendant la bataille de cailloux, je vous demande de vous arrêter. Et à l'époque, le film aurait dû, en 2 heures à peu près, adapter la totalité du roman. C'était pas prévu que ce soit en 2 parties à ce moment-là. Mmh. À la prod, on retrouvait des habitués de l'horreur, qui resteront d'ailleurs pendant toute la production, avec Roy Lee et Doug Davison, qui sont derrière beaucoup de remakes de films d'horreur asiatiques, ou plusieurs films de l'univers Godzilla hollywoodien récent. Enfin, tout ce qui est The Grudge, les remakes, The Ring et compagnie, je crois que c'est eux qui ont dû faire aussi le remake de The Eye, enfin... À peu près tous les films asiatiques qui ont eu un remake dans les années 2000-2010, ils sont derrière. D'accord. Et accompagné aussi de Dan Lin, qui lui avait déjà produit les 2 Sherlock Holmes de Guy Ritchie ou The Box de Richard Kelly. Très bien, The Box. Bah, même les 2 Sherlock Holmes de Guy Ritchie, ça va. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est un peu plus connu, tandis que oui. The Box, j'ai l'impression qu'il a mauvaise réputation, alors qu'il est cool. C'est le celui avec... Jennifer Aniston. Je crois que c'est Jennifer Aniston. Non, c'est Cameron Diaz. Cameron Diaz, pardon, oui. Oui, je me laisse, ce qui me semblait. Oui. Mais... Bah, il n'y a pas de nouvelles, ou alors ça avance assez peu pendant un bon moment, et les nouvelles suivantes, on les trouve le 7 juin 2012, où le nom de Cary Fukunaga est mentionné pour être le réalisateur du film. Donc à l'époque, il avait réalisé Sin Nombre, Jenner et Beast of No Nation, et la saison 1 de True Detective. Et il est annoncé aussi comme co-scénariste, aux côtés de Chase Palmer, bon, qui lui, je ne trouve quasiment rien dessus, il a juste réalisé et scénarisé un film qui s'appelle Naked Singularity, dans lequel il y a aussi Bill Skarsgård. C'est le seul truc que je trouve sur lui, vraiment. D'accord. Alors, j'ai pu lire un des scénarios, on y reviendra, de Fukunaga et Palmer, et le nom de Cash Ganick n'est plus du tout mentionné. Mais Cash Ganick, ayant été interrogé à ce sujet, dit qu'il ne sait pas exactement à quelle étape on a arrêté d'utiliser ses idées à lui. Tandis que les 2 nouveaux scénaristes, Palmer et Fukunaga, resteront mentionnés dans le projet final, même après leur départ. Oui. Le développement avance pas mal, il y a un premier nom qui est annoncé en 2015 pour le rôle de Pennywise, c'est Will Poulter, qui avait déjà joué à l'époque dans la série des Labyrinthes et dans The Revenant, et qui depuis a joué un des rôles des victimes dans Midsommar. Mais alors que le tournage devait commencer de manière un peu plus concrète, enfin la production de manière concrète en tout cas, quelques semaines plus tard, Fukunaga va quitter le projet en mai 2015, parce qu'il trouvait que les producteurs ne voulaient pas mettre assez en avant l'aspect dramatique du film et qu'ils voulaient se concentrer uniquement sur la dimension horrifique. Il y a des tensions au sujet du budget qui sont évoquées, mais ça va, Fukunaga les nie complètement. Même si, je vais y revenir, vu le script qu'il avait écrit, effectivement, les 30 millions qui ont été alloués au film, ça me paraît un peu juste. À cette étape, il y a New Line Cinema qui est entré dans la boucle, bon, qui est une succursale de la Warner, et apparemment c'est cette succursale qui s'est beaucoup opposée à Fukunaga. Et dans une autre interview, il évoque aussi que les studios auraient été inquiets et ne l'auraient pas laissé aller aussi loin qu'il en aurait eu envie. Mmh. Voilà, donc c'est des explications assez diplomates qu'il donne quand même. Et bon, depuis, il s'en est bien sorti, il est allé faire Mourir peut attendre. Oui. Oui. Voilà, que nous vous conseillons. Mmh. C'est lui, je crois, qui a fait l'excellente série Maniac sur Netflix. Je crois, oui, aussi. Il me semble que c'est lui. C'est très très bien, Maniac. Hein. D'accord, bah, je note. C'est un rapport avec le film Maniac ? Non, pas du tout. D'accord. C'est une série de SF un petit peu fantastique, qui est en une seule saison, et qui suffit à elle-même, et c'est très très bien. Ok. Fukunaga va être relativement vite remplacé puisque 2 mois après, en juillet 2015, il est annoncé comme étant en négociation. Donc, le nom du réalisateur, c'est Andy ou Andrés Muschietti. Je crois que Andrés, c'est son nom hispanique, mais la majeure partie du temps, je le vois mentionné comme Andy Muschietti. Bah oui. Enfin, au générique, il est mentionné Andy. Voilà, mais la fiche Wikipédia FR, par exemple, c'est Andrés Muschietti. D'accord. Donc c'est un réalisateur argentin qui s'est fait connaître dès son premier long métrage, qui s'appelle Mama, qui est un drame horrifique dont le succès a probablement mené au fait qu'il soit contacté pour ça. Je pense. C'est l'adaptation même d'un court métrage, d'un de ses courts métrages. Alors Mama, Je trouve l'aspect dramatique et le début, globalement, la première heure, très réussi. À partir du moment où ça verse beaucoup plus dans l'horreur, bah, Muschietti dévoile ses faiblesses, je trouve. Je suis plutôt d'accord, mais c'est pas un film qui me déplaît. Ah non, moi non plus. J'ai vraiment passé un très bon moment, oui. Comment dire ? En fait, à la sortie de Mama, t'as un autre film qui a beaucoup fait parler de lui et qui était un peu moins méritant que toi, t'as pas du tout apprécié, il me semble, c'est Mister Babadook. Oui. Je trouve Mister Babadook, par exemple, beaucoup plus faible, alors qu'on a beaucoup plus parlé de lui que Mama. Ouais, effectivement. Bah moi, Babadook, j'ai pas réussi à le prendre du tout au sérieux, en fait. Donc, moi, j'ai bien apprécié quand même, mais je comprends parfaitement ce qui t'a gêné dedans. À commencer par le fait que Babadook, moi, je peux pas prendre ce mot au sérieux, en fait. J'ai l'impression que c'est un nom de pâtisserie, de pâtisserie orientale. Babadook. Ou de Pokémon. Bon, pour revenir à Muschietti, depuis, il a réalisé le film The Flash. Je n'ai pas vu. Moi non plus. Non, il va réaliser. Oui, il va. Enfin, il l'a réalisé et il va sortir. Le tournage est fini ? Ah, bah oui, je crois que c'est fini maintenant, le tournage de The Flash. D'accord, bah, je sais pas. Tu sais, la communication de Warner pour leur film DC Comics est tellement catastrophique. Enfin, bon, on verra bien ce que ça, ça rendra. Hein. C'est pas tellement un film que j'attends à fond. Mais... Non, moi non plus, je m'en fous un peu. À la limite, pour revoir Keaton en Batman, mais c'est bien. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais c'est triste. Ouais, c'est ça. Tu vas voir un film Flash pour voir Batman, c'est quand même particulier. Quoi. À la production, il y a avec Andy Muschietti, il y a sa sœur qui arrive, c'est Barbara Muschietti. Il travaillait déjà avec elle sur Mama, et apparemment c'est une des plus présentes sur le plateau. J'imagine que forcément ça aide les relations production-réalisation dans ce genre de cas. Et il y a deux autres producteurs qui sont sur le projet. David Katzenberg, qui a produit entre autres le remake de Chucky, et Seth Graham Smith, scénariste de Dark Shadow et scénariste-réalisateur de Abraham Lincoln, Chasseur de Vampires. C'est aussi l'auteur de Orgueil et Préjugés et Zombies. Actuellement, il travaille avec Katzenberg sur une série adaptée des Yeux du Dragon, et il y a des rumeurs sur Beetlejuice 2 et Gremlins 3. J'ai très envie que la série Les Yeux du Dragon se fasse, parce qu'on pourra parler du roman. Oui, pareil, parce que c'est un bon roman et... un peu atypique. Le coup, ça va nous changer de ce qu'on a l'habitude de parler quand on parle de King. Polter doit abandonner le rôle de Pennywise en avril 2016 à cause de conflits de calendrier, alors que Muschietti avait dit qu'il était tout à fait OK avec lui. Mais voilà. La sortie du film, à ce moment-là, est programmée pour ce New Line, se dit que ça doit avancer, donc c'est programmé pour le 8 septembre 2017, donc ça en laisse un peu plus d'un an pour faire quand même pas mal de travail, même si le scénario est un peu avancé. Le scénario est quand même retouché par Gary Doberman, qui s'occupera seul aussi de celui du deuxième chapitre. C'est un scénariste qui a principalement fait des scénarios de films d'horreur, le remake de Freddy, Destination Final 5, plusieurs films du Insidious Cinematic Universe. C'est lui qui a scénarisé les trois Annabelle et réalisé le dernier, et il a scénarisé La Nonne aussi. Que des bons films, quoi. Ouais, voilà, que des chefs-d'œuvre. Mis à part Annabelle 2, quoi, y a rien qui vient là-dedans. Et normalement, il doit, je crois que c'est bien avancé aussi cette histoire, il doit écrire et réaliser le Salem à venir cette année. Ah oui, d'accord. Voilà. Un des reproches de Muschietti au sujet du script d'origine, c'était le manque d'utilisation des capacités de changement de forme de Gripsou. Et donc je vais faire ce point-là tout de suite, parce que dans le script de Fukunaga, j'ai pu lire le script de Fukunaga et Palmer avant que Doberman ne le retouche. Et donc je vais revenir rapidement sur les principales différences. Donc déjà, dans le scénario de l'époque, avant que Muschietti n'arrive, il y avait déjà le changement d'époque, c'est-à-dire le fait que les flashbacks se passent dans les années 80, et que la deuxième partie se serait donc passée de nos jours. Oui, d'accord. Ce qui est pour le coup un changement assez intelligent, parce que le but c'est de parler de la nostalgie d'adultes d'aujourd'hui. Bah, oui. Forcément, si les adultes viennent des années 80, ça fonctionne pas trop. Et les problèmes sociaux des années 50 et 80 sont les mêmes que dans les années 80 et les années 2000. Ouais, voilà, c'est donc, ça. Donc ça, t'as pas besoin de modifier. Voilà, c'est ça. Le look vieillot de Pennywise, de Gripsou, pardon, était déjà dans le script de Fukunaga, puisque le clown est décrit comme ne ressemble pas à Bozo ou à Ronald McDonald, mais quelque chose de plus vieillot, de plus effrayant, comme celui d'un clown d'un acrobate du 19e siècle. Oui, donc les costumes un peu plus ternes. Voilà. Moins chatoyants qu'aujourd'hui, quoi. C'est ça. Par contre, dans le script de Fukunaga, c'est précisé que sa voix doit être plaisante. Très plaisante, très raisonnable, et on y reviendra. Je trouve que la voix est un problème dans le film final. Les parents de Mike et la mère de Beverly sont vivants dans le script original. Ouais. Et le père de Mike remplit un rôle beaucoup plus proche de celui qu'il a dans le roman. En fait, il meurt au cours de la période enfant. Et il y a toute l'idée où il raconte, sur, alors qu'il est à l'hôpital, le flashback de l'attaque du Ku Klux Klan. Il y a un autre flashback qui est présent normalement dans le script original, c'est celui de la tuerie à la hache, et c'est une boucherie telle que décrit dans le script. C'est-à-dire, je pense que Fukunaga, il se serait ultra lâché, ça parle de boyaux, de sang partout, de têtes coupées, enfin ça aurait été magnifique, je pense. Magnifique. Globalement, même au niveau du vocabulaire, le script original est beaucoup plus cru, surtout autour du personnage de Beverly. Dans la relation à son père, c'est encore plus frontal que ça ne l'est au final. Et, petit détail, mais elle évoque clairement ses règles aussi dans le script original, alors que c'est un peu un tabou d'habitude au cinéma. Oui. Même si c'est montré dans le film de Muccetti. Oui. Bon, il y a plusieurs scènes entre Bill et ses parents qui le négligent à la mort de Georgie. Globalement, en fait, Bill va être un peu plus creusé, et pareil pour Stan, qui va être un peu plus mis en avant à certains moments. Mmh. Et surtout Georgie qui aurait été bien creusé dans l'histoire. 6 pieds sous terre. Ouais, là, c'est ça. Et globalement, la fin est assez différente. Alors déjà, Beverly n'a pas son rôle tout nul de princesse en détresse qu'elle aura à la fin du premier film final. Oui. Henry constitue une menace beaucoup plus concrète et beaucoup plus sanglante, c'est-à-dire son père, il l'étrangle pas, là, il le poignarde de 14-15 coups de couteau devant ses potes. Donc c'est bien plus brutal. Et alors, à partir du moment dans les égouts, Fukunaga, pareil, dans le script, Fukunaga et Palmer, ils s'étaient totalement lâchés. Les enfants, ils devaient déjà récupérer des outils, genre des scies et compagnie, pour attaquer. Il y a une scène dans une salle membraneuse avec des araignées en dessous qui donne assez envie, tel que c'est décrit. Et c'est l'occasion de la mort de Victor dans le film, ouais. Tandis qu'il n'est pas présent dans les égouts dans le produit fini. Il se fait attaquer par des araignées. Et avant la confrontation avec Gripsou, normalement, il y avait une scène qui impliquait un miroir d'eau à taille variable, des cascades, des attaques de tentacules et de poissons lanternes géants. Donc ça a l'air totalement épique, mais c'est là que je me dis que pour 30 millions... Bon, c'était pas faisable, hein, c'est clairement. Et Gripsou, globalement, dans ses apparitions, qui sont effectivement pas si nombreuses que ça, mais il est encore plus cruel que dans le film final, notamment quand il prend la forme de Georgie. Il est vraiment très très manipulateur envers Bill, en lui disant clairement « c'est pas de ta faute ». En fait, il lui dit exactement ce que Bill va entendre. Oui. Donc voilà, c'est... Et il y a un rappel de la scène de sexe. Ça devait finir avec Beverly, à la sortie des égouts, qui prend le visage seulement des enfants, enfin des autres, entre ses mains. D'accord. Mais c'était juste cette évocation-là. Donc globalement, je trouve que c'est un meilleur scénario, mais qui aurait nécessité plus de budget. Et par contre, il y a une faiblesse du scénario final que j'évoque tout de suite, mais qui est déjà là, c'est le fait que ça manque de scènes de bonheur entre les enfants. Mmh. Ça manque d'Edouard Balladur, surtout. Aussi, ouais, c'est vrai que il est jamais, il y a même pas son nom qui est mentionné. Hein. C'est un scandale. Bah, tu sais qui c'est qui nous manque pas dans ce projet ? C'est Mike Flanagan. J'allais dire Jean-Marie Le Pen, mais ça marche aussi. Alors pas pour les mêmes raisons, mais oui, ça marche aussi. Bah non, mais du coup, il y a les descendants Le Pen pendant l'attaque du couple homosexuel. Oui, oui, on peut dire ça, effectivement. Il est là en nombre, ce sale con. Mm. Oh, pardon. Non, mais c'est pas une insulte, c'est une vérité. Ah, mais je m'excusais pas pour de vrai. Hein. Le nom de Bill Skarsgård et de la majorité du casting des ratés est annoncé début juin 2016. La seule qui est mentionnée un peu plus tard, c'est Sophia Lillis, donc Beverly, qui est confirmée le 22 juin, donc très très peu de temps avant le début du tournage. Hein. Mais donc, passons un peu sur le casting. Donc Bill Skarsgård, c'est un acteur d'origine suédoise qui s'était déjà fait remarquer dans son pays avec un film notamment appelé Simple Simon, apparemment, qui est assez populaire et assez bien. Mais le rôle de Pennywise, c'est son premier gros rôle dans un film américain. Il avait déjà un rôle important dans la série Hemlock Grove, et depuis il en a eu dans la série Castle Rock, dans la saison 1 apparemment. D'accord. Il a fait la motion capture et la voix de Crow dans Les Éternels. Je sais pas si tu vois... Pas du tout. Ça doit être un fan de bière. Et il est présent apparemment dans le prochain John Wick. Oui, ça j'ai cru comprendre. Oui. Il a aussi un petit rôle dans le sympathique, qui en fait un peu too much, Assassination Nation. Et visiblement, il a passé un casting vidéo en ayant déjà son maquillage, ce qui visiblement a pas mal impressionné l'équipe. Alors quand on l'entend parler, quand on le voit même dans les making-of et compagnie, il est clairement impliqué dans le rôle, il fait plein de cascades et de mouvements lui-même. Et il dit qu'une de ses sources d'inspiration, même s'il a voulu être moins terre-à-terre, ça a été le Joker de Ledger. Ah bon ? Voilà, donc je vois en fait quel est le rapprochement. Et bon, bah dans les deux cas, je trouve ça assez raté. Heath Ledger, désolé. Il voulait donner à son personnage en fait des mimiques parfois assez enfantines et parfois assez animales. Apparemment, il a regardé plein de documentaires animaliers pour trouver des trucs pour s'inspirer. Je n'ai rien vu d'animal dans son sein. Bah, notamment la lèvre qui pend et compagnie. Voilà. Oui. Je dis pas que c'est réussi, hein. Moi je fais part des intentions totalement objectivement pour le moment. La lèvre qui pend, ça fait pas partie du maquillage ? C'est lui qui fait pendre sa lèvre comme ça ? Ouais, pour le coup, la lèvre qui pend et l'œil qui part en louchant, il arrive à le faire lui-même. Ah bon, d'accord. Ouais. Okay. Du coup, pour l'œil, c'est impressionnant. Bah, le problème de la lèvre, c'est que ça le fait baver comme un gros porc, et du coup, bah, je comprends pas pourquoi les enfants n'ont pas peur de lui. Oui, c'est ça le problème. Parce que autant c'est cohérent avec l'idée, il a faim, il est affamé, il veut les enfants, mais du coup, ça le rend terrifiant. Enfin bon, voilà, on y reviendra un peu plus tard. Dans le rôle de Bill, on a Jaden Martell, qui jouait déjà l'enfant avec des pouvoirs dans Midnight Special de Jeff Nichols, qui est très bien. Et depuis, il a joué Jacob, le fils de la famille dans Un couteau tiré, celui dont on dit que c'est un néo-nazi. Oui. Et on le retrouvera probablement, puisqu'il est au casting de Mr. Harrigan's Phone, qui devrait donc sortir sur Netflix cette année. Mmh. Richie, c'était le plus connu à l'époque, c'est Finn Wolfhard qui a joué donc dans Stranger Things, il joue le rôle de Mike. Depuis, il a joué dans SOS Fantôme, L'Héritage, il a doublé Pugsley dans le film d'animation Famille Adams récent. Et il devrait aussi avoir un rôle de doublage dans le Pinocchio de Del Toro, donc visiblement il est spécialisé dans les rôles nostalgie années 80. Bah c'est exactement ce que j'allais dire, c'est triste. Parce que c'est un gamin des années 2000 et puis il est, ouais. Il est spécialisé dans la nostalgie des quarantenaires. C'est quand même triste. Alors apparemment il voudrait se tourner vers la réalisation et la musique. Et le truc le plus important de sa carrière que je n'ai pas mentionné, c'est qu'il a joué dans une parodie de Stranger Things dans une vidéo de Norman. Oh merde. Voilà, donc okay. Il apparaît chez Norman fait des vidéos et dans ça. Ah d'accord. Donc on peut dire qu'il est has-been alors. C'est dur mais c'est vrai. En même temps, à partir du moment où je jouais dans Stranger Things... Oh... T'as jamais vu. Non, mais bon... On a aussi, donc, dans le rôle de Beverly, Sophia Lillis. C'est son premier rôle important dans un film. Depuis, elle a joué dans un film d'horreur appelé Gretel et Hansel. Et on devrait la voir dans une adaptation à venir de Donjons et Dragons et dans le prochain Wes Anderson, d'accord. Asteroid City. Ah, bah, et elle joue très bien. Oui, dans effectivement. Ça, elle fait partie des meilleurs. Et elle a joué aussi dans une série qui s'appelle I Am Not Okay With This, qui est inspirée d'un roman graphique de Charles Forsman, le même qui a fait The End of the Fucking World. Ah oui, d'accord. Et dans cette même série, on retrouve Wyatt Olef, qui ici joue Stan, et qui joue son meilleur ami aussi dans la série I Am Not Okay With This, mais c'est son seul autre truc marquant dans sa filmo à ce jour. Mm-hmm. Eddie, il est joué par Jack Dylan Grazer, qui en était aussi au début de sa carrière. Depuis, il a eu un rôle important dans Shazam. Il joue Freddy Freeman, apparemment un enfant en fauteuil roulant, un truc comme ça. Oui. C'est Shazam, je l'ai vu, je l'ai effacé de ma mémoire. Ouais, mais apparemment, c'est un personnage des comics aussi, donc... Ah oui, d'accord. Donc, je sais pas, je me disais que ça te dirait peut-être quelque chose. Pas plus que ça, pour le coup. Et il joue dans une série qui s'appelle Me, Myself, and I. Ben, son seul autre rôle qui a l'air un peu important, on va dire, c'est un rôle secondaire dans Chair de Poule 2, il est joué par Jeremy Ray Taylor. Autant j'ai bien aimé le premier Chair de Poule, autant le deuxième, c'est très passable. J'ai pas vu le premier déjà. Chosen Jacobs, qui joue Mike, il a joué dans la série Castle Rock, dans une autre série qui s'appelle When the Streetlights Go On. Et dans Sneakerella, une relecture de Cendrillon dans le monde des sneakers. Non. J'ai vu la bande-annonce, j'irai pas plus loin. J'ai vu la bande-annonce, j'ai vu l'affiche, faut pas plus m'en demander. D'accord. Il y a des limites à tout. Mais du coup, on va recroiser tous ces gens-là dans Castle Rock, là ? Bah, il y en a plusieurs hein, dans Castle Rock. En même temps, vu que c'est un casting choral... Et puis en plus, la série est pas finie, donc. Ouais. Et puis que c'est Netflix qui aime bien récupérer... C'est Netflix, je crois. Non, pas du tout, Castle Rock. Non, d'accord, pardon. C'est quoi ? Bah, c'est Hulu, je crois. Ah oui, peut-être. Donc c'est Disney quand même, hein, mais... Enfin, non, du coup, c'est Disney. C'est la plateforme VOD adulte de Disney, du coup. Ok. Ulu. Bon, bah, c'est... j'ai rien dit. Bah, je crois que c'est Ulu, hein. Je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est pas Netflix. Alors, ce qui est rigolo, c'est que finalement, un autre qui a une relativement carrière aujourd'hui, c'est celui qui joue Georgie, en fait. C'est Jackson Robert Scott, qui a joué un des rôles des enfants dans la série Lock and Key. Il joue le rôle de Bud Lock. D'accord. Et en fait, c'est le seul qui est resté du casting du parce que Muschietti a tourné un pilote pour Lock and Key, pour Ulu, mais qui a été refusé. Netflix a récupéré le projet et n'a gardé personne à part lui. D'accord. Il a joué aussi dans un film appelé The Prodigy, qui est un film d'horreur produit par XYZ, et je trouve régulièrement les productions XYZ assez intéressantes. Oui, en général, c'est de la bonne prod. Ça peut me rendre curieux. Bon, et le dernier que je vais mentionner, c'est Nicholas Hamilton dans le rôle d'Henry, donc qui a joué dans Captain Fantastic ou La Tour Sombre, mais dans un petit rôle. Et Javier Botet, qui joue régulièrement des rôles de fantômes et de monstres dans des films d'horreur. Il est spécialisé dans ça. Enfin, dans les films d'horreur. Et donc dans ça. Ah, là, c'est pour le voilà. Coup, c'est toi qui l'as fait, du coup. Oui, non, mais je t'ai devancé. Il a joué, par exemple, dans les films de la série Rec. Il joue l'infectée première. Oui, parce qu'en fait, il souffre d'une déformation des os, je crois. Je crois, ouais. Qui fait qu'il a un corps très, très long et qu'il est capable de se déformer un petit peu comme il veut. Bah, il a joué dans Mama aussi, justement. Il joue Mama. Oui, voilà. Dans Crimson Peak. Il joue pas une créature dans... C'est pas lui qui joue une créature dans Conjuring 2 ? Si, il joue justement le pantin, le pantin. Et il joue le Slenderman dans Slenderman. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'il a une silhouette très fine et grand, je crois qu'il mesure pas loin d'un mètre 90, quelque chose comme ça. Ok, donc si je résume bien, ça vient de je ne sais où pour manger des enfants pendant quoi, un an ? Et après ça entre en hibernation ? Ça fait peut-être comme les... Comment ça s'appelle ? Les cigales. Vous savez, celles qui reviennent une fois tous les 17 ans ? Mon grand-père dit que cette ville est maudite. Il dit que tous les malheurs qui s'abattent sur cette ville sont l'effet d'une seule chose. Une chose diabolique qui se nourrit des habitants d'elle. Mais il ne doit pas y en avoir qu'une. On a tous vu quelque chose de différent. C'est possible. À moins que ça se transforme en ce qui nous effraie le plus. J'ai vu un lépreux. C'était comme une infection ambulante. Mais il n'était pas là. Parce que ce n'était pas réel. Rien de tout ça n'est réel. Ni ton lépreux, ni Bill qui voit Georgie, ni la femme que je vois tout le temps. Elle est sexy ? Non, Richie. Elle est pas sexy. Elle a le visage complètement déformé. Tout ça est totalement impossible. Ça ressemble plus à un cauchemar. Je crois pas, non. Je sais faire la différence entre un mauvais rêve et la vraie vie, ok ? Le film est tourné à Port Hope, Oshawa et Toronto, donc au Canada, dans le sud du Canada, du 27 juin au 21 septembre 2016. Il avait été envisagé au départ de tourner à Bangor, vu que c'est la ville d'inspiration, mais les autorisations n'ont pas été obtenues. Apparemment, Muschietti sur le tournage, c'est un réalisateur qui supervise énormément, même ce que fait la seconde équipe. Après, ça, est-ce que c'est juste des conneries pour remplir le making-of et faire mousser le réel, je ne sais pas. Au cours du tournage, bon, les producteurs et le réalisateur vont s'exprimer, vont confirmer que déjà le film sera bien rated R. Un des producteurs prend Stranger Things comme comparatif en disant pour le côté mélancolie des années 80. Et Muschietti insiste aussi sur son envie de traiter de thèmes plus adultes, pas juste de faire quelque chose de plus violent, mais de pouvoir parler de thèmes un peu sombres. Oui. Les enfants avaient été réunis avant le début du tournage pour pouvoir faire connaissance les uns avec les autres et pour apprendre à faire du vélo. C'est rigolo, parce qu'il y en avait plusieurs qui ne savaient pas, et comme ils doivent en faire partout dans le film, voilà. Ah oui, tu m'étonnes, ils font que ça. Apparemment, le réalisateur aurait bien aimé qu'ils se tiennent un peu éloignés de la bande à Bowers, enfin des acteurs de la bande à Bowers, mais en fait, visiblement, ils étaient super potes sur le tournage. Par contre, ils ont été isolés le plus longtemps possible de Bill Skarsgård. Ouais. Afin que la première rencontre avec Gripsou en costume les marque vraiment. Muschietti disait bon bah ça marchera qu'une fois pendant le tournage de la scène de la maison abandonnée, mais j'aurai au moins ses réactions naturelles à ce moment-là. Et je t'en prie. Leur première rencontre qui a été tournée, c'est dans la maison du lépreux. Ouais, c'est ça. Ok. Donc voilà une citation sur comment s'est passée cette première journée de tournage avec Les Ratés et Gripsou. Le jour où il est arrivé sur le plateau, ils ont complètement flippé. Bill fait quelque chose genre 2 mètres, et je ne sais pas comment dire à quel point il fait peur. Il est agité, il rampe, fait des bruits bizarres, renifle, bave, et parfois il parle en suédois. Terrifiant. Voilà. Pas très gentil pour les Suédois, mais... Ouais, mais c'est un peu vrai, t'as déjà entendu du suédois. Mouchetti prend aussi la décision de s'éloigner des formes que prend ça dans le roman afin de les adapter à des enfants des années 80 et à ses propres traumatismes. Bon, ça c'est déjà un peu présent dans l'ancien scénario. Et effectivement, c'est justifié, comme ça il reste fidèle à l'esprit du roman où les peurs viennent de l'inconscient des enfants. Oui. Mais reprendre le Frankenstein des années 50, le loup-garou des années 50, etc., ça aurait pas été pertinent en fait, vu le contexte du film. Oui. Donc ça c'est plutôt une bonne idée. Le costume de Pennywise est créé par Jenny Bryant, et c'est un mélange de différentes époques. Elle a dit qu'elle a pioché dans du médiéval, dans du renaissance, dans l'époque élisabéthienne et dans l'époque victorienne, pour donner en fait un aperçu de toutes les vies passées de Gripsou, pour lui donner un côté aussi à la fois enfantin, aux proportions étranges, et totalement hors du temps. Et donc, Mouchetti parle lui aussi du soutien de ce modèle clown à l'ancienne. Je pense qu'un costume moderne aurait l'air cheap. Ça évoque trop les fêtes, les cirques et tout ça. J'aime bien le cirque, mais je suis plus attiré esthétiquement par les clowns du 19e siècle, par exemple. Et puisque ce mec est là depuis des siècles, je me suis dit, pourquoi pas mettre en avant les années 1800 ? Et donc, tel que Mouchetti le décrit, voulait que son clown ait l'air presque innocent par moment. Bon, on y reviendra. On en vient au directeur de la photo du premier film, qui est pour moi un des gros facteurs de réussite du... Enfin, un des gros éléments réussis du premier. Ouais. C'est Chung Chung-hoon, donc directeur de la photo coréen, sur All Boy, Lady Vengeance, Je suis un cyborg, Thirst, Stalker et Mademoiselle, donc en gros, tous les parts de Chan-wook pendant une période. Voilà. Il a aussi travaillé sur New World, qui est un autre thriller coréen sympa, et dernièrement sur Last Night in Soho. Bon, le mec, c'est un tueur, quoi, en gros. Oui. Enfin... Alors, j'ai pas encore vu Last Night in Soho. Ouais, la photo est magnifique. Mais ça ne serait tardé. Bah, et puis, ne serait-ce que Lady Vengeance, en fait. La photo de Lady Vengeance, elle est sublime, je trouve. Oui. Avec le passage au noir et blanc. Old Boy, c'est pareil. Oui, aussi. Tous les parts de Chan-wook ont une super photo. Ah oui. Au début, il a envisagé brièvement d'utiliser une photo typique de l'époque du film, mais il a finalement renoncé en se disant que ce serait redondant avec les décors de Claude Paré et les costumes donc de Jenny Bryant. Et il a surtout travaillé avec des lumières naturelles, mais en faisant attention à amener à chaque fois aussi des éclairages supplémentaires qui donnent un côté anormal, notamment pour éclairer les yeux, surtout ceux de Pennywise. Il les éclairait avec une lampe forte qui faisait vraiment lumière venue d'ailleurs, qui avait rien à faire là en fait, dans un éclairage en dehors de ça plutôt naturel. Et apparemment, c'est lui qui a amené, en discutant avec Mouchetti, une utilisation assez fréquente de la contre-plongée dans le premier film, en disant que, alors que la contre-plongée, c'est souvent utilisé pour marquer la supériorité du personnage filmé, vu que du coup, il surplombe la caméra, pour lui, en fait, avec des ados, ça donne l'impression de pénétrer dans leur espace vital. Oui. Et donc, il trouvait ça assez intéressant. Et il dit que son expérience sur Stalker, où il devait éclairer assez rapidement et avec pas forcément beaucoup de sources de lumière, lui a beaucoup été utile pour ce film-là. Donc ouais, il a fait un très chouette travail, même si moi je préfère encore ce qu'il fait quand il peut beaucoup plus exprimer ce décalage entre un certain naturel de l'éclairage et des éléments sortis complètement de nulle part, et ça va bien avec Park Chan-wook, où il y a une réalisation et des idées totalement excessives à côté d'un monde plutôt normal en fait. Oui. Et ça passe aussi bien dans Last Night in Soho, parce qu'il y a le même type de décalage. Donc voilà, en tout cas, directeur photo très, très talentueux. Oui, carrément. Alors apparemment, bon, comme souvent sur les films de ce genre-là, le cut original du premier seulement durait 3h30, qui a été réduit au fur et à mesure par le monteur Jason Ballantyne au fur et à mesure des discussions et des projections test. Mais j'ai trouvé aucune trace de ce cut, même pas en bonus dans le Blu-ray. Les effets spéciaux sont principalement supervisés par Nicholas Brooks et coordonnés par Warren Appleby et la compagnie Rodeo FX. Brooks, bon, il a prouvé son talent, hein, il a travaillé sur Lucy, Insaisissable, Elysium ou Blade 2, donc des films de qualité variable, mais on peut pas leur reprocher leurs effets spéciaux. Oui. Et il a eu l'Oscar des meilleurs effets spéciaux pour un film appelé Au-delà de nos rêves que je ne connais pas. Et Warren Appleby, qui est donc coordinateur des effets spéciaux, lui aussi, il avait un sacré CV, il est sur The Strain, La Forme de l'eau, Maps to the Stars, Le Carré de 2013, la série 2263, Mama, Cosmopolis, et dans des plus petits postes sur Existence, Crash et la Tempête du Siècle. Mais maintenant il est mort parce qu'il s'est fait heurter par une voiture sur le tournage de la saison 2 de Titan. Voilà. La musique, elle est composée par Benjamin Wallfisch, un compositeur britannique qui a régulièrement travaillé sur de l'horreur. C'est lui qui a fait les BO de Dans le Noir, Cure for Life, Annabelle la créature du mal ou L'Homme invisible plus dernièrement. Il a travaillé en collaboration avec Hans Zimmer sur Blade Runner 2049 et Dunkerque. Et il est aussi sur des films plus inattendus, genre Shazam, Mortal Kombat ou Hellboy. Et il doit revenir avec Muschietti sur The Flash. Globalement, c'est un compositeur que je trouve plutôt doué. Dans l'ensemble, j'aime bien ses travaux. Bon, à part quand il a collaboré avec Zimmer, mais bon, ça, collaborer avec les Allemands, ça tombe toujours mal. Même si j'ai du mal à être ultra fan, en fait. Je trouve son travail de qualité, mais je vais rarement le réécouter en dehors, à part le thème de Cure for Life, le thème principal qui est vraiment très cool. Sur les deux opus, il va utiliser entre autres une comptine du 18e siècle qui s'appelle Oranges and Lemons pour certaines scènes d'attaque de Pennywise, qu'il va pas mal modifier au niveau des sons. Il y a un traitement du son assez intéressant là-dessus. Sinon, il y a un thème atonal pour la ville et pour le clown. Il y a un autre thème beaucoup plus difficile à saisir aussi pour Gripsou. Et il y a un seul thème vraiment mélodique qui sert pour les ratés dans leur ensemble, surtout dans les flashbacks dans le deuxième. Donc c'est une BO plutôt réussie, même si elle est un peu longuette à écouter en dehors du film, je trouve. Mmh. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Oui. Elle fait le taf pendant le visionnage, mais après, bah... C'est vraiment pas ce que j'ai écouté de pire, quand même, pour le podcast. Oui, vraiment pas. Mais c'est pas le genre de musique que tu te passerais à part, quoi. Oui, ou alors faut faire une petite sélection des pistes les plus réussies, mais l'ensemble est très long, surtout que je crois qu'il y a 1h40, rien que pour le 2, de musique. Bon, voilà, ça fait 3 heures sur les deux films combinés, c'est trop. Ouais. Le film sort le 8 septembre 2017 aux États-Unis, donc à la date prévue, et le 20 septembre en France. Il démarre très bien, c'est même le meilleur démarrage de l'histoire pour un film d'horreur. Il sort dans 4103 salles, ce qui était aux États-Unis, ce qui était aussi un record pour un film rated R à l'époque. Et il va rapporter au final presque 329 millions sur le sol américain et 373 à l'international, ce qui en fait à la fois le film d'horreur et l'adaptation de King qui a le plus rapporté. Même en tenant compte de l'inflation, parce que pour King, le record était auparavant tenu par La Ligne Verte avec 232 millions en dollars ajustés. Et il bat L'Exorciste en film d'horreur. En France, il fait 2 223 000 entrées. La réception critique est globalement bonne, l'aspect visuel est applaudi à peu près par tout le monde. Le jeu du cast, y compris de Bill Skarsgård, est applaudi par beaucoup de critiques, en fait. L'aspect horrifique divise un peu plus, le film est parfois jugé peu subtil et peu efficace dans ses effets, j'ai l'impression que c'est un peu plus récurrent dans les critiques françaises comme retour, par rapport aux critiques américaines un peu plus unanimes. Actuellement, il a 86% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place dans notre classement 4e entre Jesse et 1408, et 3,6 étoiles sur Allociné, 4e ex aequo avec Dr. Sleep et Les Langoliers. Globalement, la réception du public est en fait encore meilleure que celle de la presse aux États-Unis. Il est nommé à plein de prix dont j'ai jamais entendu parler, donc j'ai pas pris la liste. Et King lui-même en dit beaucoup de bien, ainsi que de sa suite, parce qu'il apprécie que l'aspect dramatique et l'attachement au perso soient bien présents. J'ai vu le puits. On sait où il est, et la prochaine fois, on sera mieux préparé. Non ! Il n'y aura pas de prochaine fois, Bill ! C'est de la folie ! Pourquoi ? Nous savons tous que personne d'autre ne fera rien. Eddie a failli se faire tuer ! Et vous avez vu Ben ? Regardez-le, il saigne comme un porc ! On sait très bien que ça va pas disparaître. Ben, tu l'as dit toi-même, ça revient dans cette ville tous les 27 ans. Et alors ? Je serai plus dans cette maudite ville et j'aurai 40 ans. Je croyais que toi aussi tu voulais quitter cet endroit. Je veux partir pour trouver une vie meilleure, pas m'enfuir. Excusez-moi, mais qui a fait rentrer Molly Ringwald dans notre groupe ? Richie. Non, mais c'est vrai, arrêtons de faire semblant, faut dire la vérité. Georgie est mort. Tâche de ne pas nous faire tuer, nous aussi. Georgie n'est pas mort. Tu ne pouvais rien faire pour lui, mais pour toi, tu peux encore. Non ! Retire ce que t'as dit. Tu as peur et on a tous peur, mais retire ce que t'as dit. Vous n'êtes qu'une bande de ratés! Richie! Lâchez-moi! Richie, arrête! Bill. Vous n'êtes qu'une bande de ratés et vous allez vous faire tuer en essayant Bill. D'attraper un clown ridicule! C'est ce qu'il veut. ça cherche à nous diviser. Nous étions tous ensemble quand on l'a blessé. C'est pour ça que nous sommes encore en vie. Ah ouais? Eh bien, moi, je compte bien le rester. Évidemment, dans un tel contexte, le projet de base, de toute façon, l'a été de faire deux films, mais ça va ouvrir l'autoroute, une telle réussite, c'est évident. Mais la deuxième partie avait de toute façon déjà été évoquée dans la presse avant même le tournage du premier, et Muschietti, dans des interviews qui datent de la promo du premier opus, semble tenir pour acquis que cette suite se fera bien, disant que tout sera prêt pour début 2018 avec un scénario toujours par Gary Doberman. Donc, bon, il était plutôt conscient, et peut-être que le fait de savoir qu'il y aurait une suite, ça a incité, ça a aidé aussi au succès, en plus d'une campagne promo plutôt réussie à l'époque. Oui. Avec des faux avis de recherche qui circulaient, enfin, pour ouais. Le coup, la campagne promo était assez intelligente. Bah, pour le coup, c'est. Même si c'est pas un. Spoiler alert, c'est pas un film qu'on a forcément apprécié, c'est un film qu'on attendait quand même. Ah, bah, carrément, oui, ça c'est évident. Surtout que, encore une fois, spoiler alert, aucun de nous. Enfin, on n'est pas fan de l'adaptation originale, donc. Oui. Des années de 90, donc on n'avait pas le côté nostalgie. Oui. Je le suis peut-être un peu plus que toi, mais. Ouais. Oui. Oui, bon, moi pour poser les choses, je l'aime pas du tout, hein, l'adaptation originale, ouais. À part pour Tim Curry. Ouais, moi, c'est un film qui me détend. Ah, c'est bizarre à dire. Et donc, le 25 septembre 2017, alors que le film venait tout juste, que le premier venait tout juste de sortir, la date de sortie du deuxième est annoncée pour le 6 septembre 2019, ce qui laisse 2 ans de production. Le casting de la suite est annoncé petit à petit dans la première moitié de l'année 2018, donc bah déjà quasiment tous ceux du premier vont revenir, mais il y a des nouveaux venus avec les ratés dans leur version adulte. Et apparemment, truc un peu rigolo, chacun des acteurs enfants avait écrit une lettre pour l'acteur adulte pour expliquer la psychologie de son personnage tel qu'il la comprend, pour aider à connecter. Oui, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Alors, en Bill adulte, on a James McAvoy, qui déjà à l'époque avait une sacrée filmographie, hein. Il avait déjà joué Charles Xavier, déjà, dans oui. X-Men. Il avait déjà joué dans Le Dernier Roi d'Écosse, qui est un peu moins connu, mais dans Trans, qui est un très bon film. Il avait déjà joué pour Shyamalan, je crois. Oui, parce qu'il y avait déjà eu Split, ouais. Au moins. Je suis pas sûr que Glass n'était pas encore sorti, non, mais il y avait eu Split. Split, c'est sûr. Voilà. Donc, acteur avec une très bonne filmo et mérité. Hein. Et très bon acteur, voilà. Surtout. C'est ça. Dans le rôle de Beverly... Non, c'est James McAvoy. Oui, et il joue Bill, d'accord, c'est bien. Dans le rôle de Beverly, on a Jessica Chastain, qui est une autre actrice très importante, alors qui avait déjà joué pour Muschietti dans Mama, elle joue la mère adoptive des enfants. Ouais. On peut la voir aussi dans Zero Dark Thirty, La Couleur des Sentiments, Tree of Life, Interstellar, Seul sur Mars ou Crimson Peak. Donc en fait, je suis embêté avec cette actrice parce que je la trouve très douée. Mais bah, là, de tout ce que j'ai cité, à part Crimson Peak, c'est soit des trucs que j'ai pas vus, soit des trucs que j'ai pas aimés, en fait. Donc, c'est Interstellar, The Tree of Life, Zero Dark Thirty. Ouais, Interstellar, c'est vraiment un film que j'apprécie. Il y a vraiment que la conclusion qui est ratée, je trouve. Ah non, mais attends, t'as parfaitement le droit d'aimer de la merde. Hein. je ne te reproche rien. Quelle espèce de connard, celui-là. On va s'assassiner avant la fin de l'épisode. Non mais voilà, du coup, bah, c'est une bonne actrice, c'est juste que bah, ses choix, il y a clairement des choix, il hein, y a une filmo plutôt exigeante au niveau des choix, mais ses choix, moi, me correspondent pas, on va dire. Donc. Là, par contre, ce qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'elle a une filmo très variée niveau genre. Ah oui, c'est ça, et puis tu sens qu'elle choisit un peu ses projets, qu'elle va dans des trucs qui ont l'air de plutôt bien tourner, voilà, il y a... Bah, puis elle a pas l'air de tourner pour le premier film non plus. C'est ça, elle tâcheronne pas, j'ai l'impression, donc... Il y a quand même du Guillermo del Toro, la réalisatrice de... Catherine Bigelow avec Zero Dark Thirty. Bah, le réalisateur de Tree of Life, pareil, il est quand même majeur. Terrence Malick. Voilà, et puis même... Oui, Nolan, pareil que c'est un bon réalisateur. Et bon, paraît. Toi et moi, on est d'accord sur ça. Et puis même Ridley Scott, moi j'en suis pas plus fan que ça dans l'ensemble, mais c'est un réalisateur qui a un statut culte. Mais là c'est différent parce que Ridley Scott a eu du talent. Oui. C'est juste qu'il l'a plus. Au bout d'un moment il l'a plus. Mmh. Ah. Bah, et encore, hein, il l'a de manière exceptionnelle. Apparemment, Seul sur Mars c'est très bien justement. Et l'année dernière, il a fait Le Dernier Duel qui est fabuleux. Oui, qui est très bien. Apparemment, House of Gucci par contre c'est nul, mais. Je ne l'ai pas vu Le Dernier Duel. Ah, il est vraiment très très bon pour lui. Mais disons qu'il est plus reconnu comme étant devenu un réalisateur moyen voire mauvais. Ouais, c'est ça. Voilà, en tout cas, alors que clairement, il fut une époque où il avait vraiment du talent. Mm-hmm. Alien, voilà, le premier Alien. Toi, t'aimes pas trop Blade Runner, mais c'est compliqué de nier l'imagerie révolutionnaire de Blade Runner à l'époque. Même les duellistes et Thelma et Louise, hein, c'est dur de nier leur qualité. Là, moi, j'aime beaucoup les duellistes. Mais voilà, ça a été un réalisateur qui a eu du talent. Il l'a perdu. Je pense que le suicide de son frère a joué beaucoup. Ouais, je trouve que ça date d'avant, moi. On peut pas tout mettre sur le dos. Non, mais ça date d'avant, mais à mon avis, ça a quand même eu un impact. Ah bah oui, c'est sûr, oui. Mais clairement, on a toujours parlé plus de lui que de son frère, alors que moi... Ouais, moi, je m'amusais beaucoup plus dans les films du frère. Hein. Oui, voilà. Tony Scott, c'était peut-être du cinéma un peu plus concon, un peu moins recherché, mais c'était quand même mieux maîtrisé, je trouve. Ouais, c'est ça. Alors revenons au casting de la deuxième partie avec Bill Hader dans le rôle de Richie adulte, qui est surtout un acteur de comédie. On peut le voir dans des rôles secondaires, donc de films que je n'ai pas forcément vus parce que c'est pas forcément le genre que je regarde, dans Toi, moi et Dupré, En cloque, mode d'emploi, Sans Sarah, rien ne va, dans Paul, ça par contre Paul je l'ai vu, c'est très bien. Il joue un des deux agents teubés du FBI. Mais il joue dans Paul ? C'est dégueulasse. Il aime bien les extraterrestres. Avec Simon Pegg. Oui, et Nick Frost. C'est ça. Très cool, Paul. Et apparemment, il a fait une apparition dans Brooklyn Nine-Nine, et dans le film Power Rangers, il fait la voix d'Alpha 5. Mmh. Voilà. Et visiblement, c'était l'acteur, donc Finn Wolfhard, l'acteur enfant, qui avait très envie de voir Bill Hader dans son rôle, une fois adulte, et c'est ça qui aurait poussé Muschietti à le faire auditionner. D'accord, comme quoi, faut pas toujours entendre les enfants. Vérité ne sort pas toujours comme leur bouche. Après... Je trouve pas qu'il joue... On y reviendra, je trouve pas qu'il joue mal. Je trouve que c'est que son personnage est nul. Mais... Non, oui, je suis d'accord, c'est pas qu'il joue mal. Son personnage est nul et en plus, en fait, il cabotine comme un acteur de comédie, sauf que dans une comédie, ça rend bien, pas dans un film qui traite de tous ces sujets-là. Quoi. Enfin, on y reviendra, mais oui, on est un peu d'accord. Dans le rôle d'Eddie, on a James Ranson qui a surtout joué des rôles secondaires, et moi je ne le connais que pour Sinister, où en fait il joue le policier qui appelle au dernier moment. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu Sinister, c'est un policier qui a une mauvaise nouvelle à annoncer. Hein, et visiblement, c'est lui qui a le rôle principal, un des rôles principaux dans Sinister 2. Oui, bah c'est le rôle principal. Je l'ai toujours pas vu, donc. En fait, il continue l'enquête du premier. D'accord, oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais du coup, je l'ai pas vu. Premier Sinister qui est très très bien. Oui. Et il joue Ziggy dans la saison 2 de The Wire. Ah, mais oui, exact. Voilà, je l'avais pas reconnu, mais... l'acteur qui joue Ben, c'est Jer Ryan, qui est surtout apparu dans des séries comme Sea Patrol, Beauty and the Beast, Dr. Mary, Mort sur ordonnance, ça a l'air génial, tout ça. Mike est joué par Isaiah Mustafa, qui son rôle le plus... conséquence dans une série appelée Shadowhunters, et visiblement il est connu aux États-Unis pour avoir joué dans une campagne de pub pour Old Spice, qui est une compagnie de cosmétiques. Pas lui qui double un des personnages du Roi Lion là, dans le remake live ? C'est fort possible. De toute façon, je pense que c'est triste à dire, hein, mais ils ont pas une foule d'acteurs afro-américains aux États-Unis, donc ils doivent tous les mêmes dans un projet comme le Roi Lion. Hein. Mmh. Et donc, nous avons aussi dans le rôle de Stan. Andy Bean, qui a joué dans la série Swamp Thing et dans Power. Mais en fait, j'ai juste noté, parce que je trouvais ça rigolo, que le mec qui soit le premier à mourir dès le début du film, il est pour nom de famille Bean, comme Sean Bean. Voilà. tu sais que c'est pas vrai, enfin, que Sean Bean ne meurt pas dans tous ses films. Non, je sais, mais je trouve la légende urbaine rigolote. Le mec, il meurt même pas dans la moitié, quoi. Oui, c'est... Même pas dans le tiers. Et sinon, on a des caméos de plusieurs personnes, de Xavier Dolan dans le rôle d'Adrian Mellon, donc qui est la victime d'une agression sexuelle au début du film. Qui du coup participe à l'une des meilleures scènes du deuxième film. Voilà, c'est ça. Bon, globalement, déjà, et apparemment, comme tu le disais, c'est lui qui l'a demandé parce qu'il avait beaucoup apprécié le premier. Oui, c'est ce que j'ai vu. En plus, c'est intéressant de mettre Xavier Dolan dans ce rôle-là, étant donné que c'est un représentant important de la communauté LGBT dans le milieu du cinéma. Oui. Il y a le réalisateur Peter Bogdanovich aussi, réalisateur de la dernière séance, qui joue le réalisateur au début du film adapté d'un roman de Bill. Et la serveuse au restaurant chinois, c'est Takako Fuji. Et Takako Fuji, c'est Kayako dans les films de Johan. Ah, d'accord. Donc, on est plus habitué à la voir en train de ramper en gémissant avec tous les os cassés. Bah, c'est peut-être pour ça qu'on la reconnaît pas. C'est-à-dire que normalement, on aurait dû la voir en tant que monstre dans cette scène, quoi. Ouais, en tant c'est que serveuse, ça. Ouais. On aurait dû la voir sortir d'un des Cookie Fortune. Idée un peu intéressante, la Molly Atkinson, qui jouait la mère d'Eddie dans le premier jeu, et dans le deuxième d'ailleurs, joue aussi sa femme, dans le 2. Oui. Muschietti fait un caméo en client de la pharmacie, et King lui-même fait un caméo, en tant que Brock Hunter, un caméo qui a visiblement été rallongé à la demande de James McAvoy pour rendre le personnage de King encore plus insupportable. Ah bon ? Ouais. King ayant été au départ réticent en disant « À chaque fois que j'apparais dans un film, il se foire. » Ah. Bon, tous les ratés originaux reviennent dans le film. C'est pas des scènes qui étaient tournées du premier et qui auraient été mises de côté. Ça a été tourné pour l'occasion, donc il a fallu un peu les rajeunir numériquement. Parce que un ado en 2 ans, ça change beaucoup, forcément. À cet âge-là, oui. Et pour le coup, je trouve que ça se voit pas trop. Enfin, ça se voit même pas. Non, ça, si non, je l'avais pas su, pareil, j'aurais pas tilté. C'est quelque chose qui se voit pas. Et le tournage de cette deuxième partie dure 86 jours, étalé entre le 19 juin et début novembre 2018. Il y a pas mal de postes importants qui sont modifiés. Le production designer, c'est maintenant Paul Osterberry, et le costumier Luis Sequeira. Checo Varez est le nouveau directeur de la photographie. Il avait déjà travaillé avec Muschietti sur le pilote rejeté de Lock and Key. Et en dehors de ça, il a travaillé sur pas mal de séries télé, dont The Strain et beaucoup de clips vidéo. Alors là, ça a été un peu technique, mais j'ai trouvé pas mal d'interviews de Checo Varez qui expliquent la différence de look entre le premier et le deuxième film. Le premier avait été tourné avec des lentilles anamorphiques, c'est-à-dire c'est une lentille plutôt ovale qui va compresser l'image dans la largeur pour faire tenir en fait plus d'informations sur moins d'espace. Et en fait, après, quand on le projette, il suffit de décompresser pour retrouver la bonne largeur. D'accord. Ça permet de faire des formats larges du type cinémascope en ayant une pellicule assez étroite au final, oui, et sans devoir couper en haut et en bas comme ça se fait le plus souvent en fait. Oui. Et visiblement, l'anamorphique, en fait, ça crée un effet assez spécial, notamment dans les flous d'arrière-plan, parce que ça a tendance, sur les lumières surtout, à créer des formes assez ovales, vu que la lentille elle-même est ovale. Et Checo Varez a abandonné l'anamorphique pour le deuxième film, il a pris des lentilles rondes, mais en essayant de recréer un effet un peu proche de l'anamorphique pour les scènes de flashback seulement, pour les scènes dans le passé, afin de créer une différence de look entre les deux périodes. Il disait qu'il voulait que tout à l'image soit visible en fait, il n'aimait pas l'idée d'avoir la moitié du décor totalement dans le noir, il voulait que ce qui est derrière les personnages puisse être vu par le public, et que la peur vienne un peu du fait qu'on voit des choses que les personnages ne peuvent pas voir, et que pour lui les contrastes ne viennent pas du fait de laisser une partie totalement dans le noir, mais d'éclairer encore mieux les personnages en fait. Oui, comme ça, c'est... Pour lui c'est un contraste entre différentes teintes de lumière, pas entre la lumière et le noir. Oui, c'est la peur qui vient des ombres, en fait, quoi. Ouais. Parce qu'on sait pas trop ce qu'il y a derrière le personnage. Et il cite qu'il était assez content de travailler plein de choses physiquement sur le tournage, avec des petites lumières cachées dans les gants pour la luciole, par exemple, la scène de la luciole, quand Ripsou la tient dans ses mains, avec la scène des miroirs, apparemment, où ils ont dû faire avec des miroirs sans teint, où ils ont fait plein de tests sur des miniatures. Enfin, apparemment, il s'est bien amusé sur le tournage, lui, au moins. Au niveau du scénario, on doit bien mentionner que ce deuxième film, parce qu'on va y revenir, contient pas mal de flashbacks au fur et à mesure que les personnages se rappellent de leur enfance, et pour leur faire comprendre le besoin de s'unir face à ça. Et donc c'est pour ça qu'on va voir enfin les moments joyeux de la construction de la cabane. Dans les changements majeurs apportés au livre, il y a un don de préscience qui est donné à Beverly après qu'elle ait vu les lumières mortes dans le premier, qui justifie qu'ils restent tous, parce que sinon ils vont tous mourir, parce que sinon Muschietti trouvait qu'ils n'avaient pas assez de raisons de tous rester à Derry. Alors retour en adulte, il y a beaucoup plus de tensions entre les membres adultes, notamment Eddie et Richie qui sont très réticents à rester, Bill il veut agir en solo, Mike est un menteur, et il donne une explication finale différente au suicide de Stan pour essayer de le justifier autrement que par simplement la terreur. La fin est rendue bien moins grandiose, le rituel de Chud a pas son côté surréaliste et la ville ne se fait pas détruire, oui. Là on peut dire que... visuellement, c'était peut-être dur à transcrire, et surtout, il y a un moment, il y a le budget qui joue aussi. En plus de la volonté de centrer sur les personnages, Muschietti le dit lui-même, je faisais passer tous mes 79 millions dans 5 minutes de film, si je faisais ça. Voilà. Donc bon, ça se justifie. Il n'y a pas le côté créature interdimensionnelle de ça non plus. Ouais, voilà. Enfin, tu le vois quand même arriver de l'espace, à un moment. Oui. Voilà. T'as pas le délire mystique de la tortue. Oui. Mais, ouais. Est-ce que t'as remarqué des petits trucs ? J'ai remarqué qu'on voit une tortue à un moment, oui. Dans le premier film, à un moment, quand ils sont dans la crique, ils disent qu'il y a quelque chose sous l'eau, et ils disent « Ah, c'est une tortue !» Ouais. Et à un moment, t'as Bill, juste au moment où il va dans la cave, tu sais, pour chercher je sais pas quoi, il a une tortue en Lego dans la main. Oui. Et du coup, je me suis dit « Ah, est-ce que ça serait... » Oui, c'est ça. Et dans le deuxième, il y a aussi une scène dans le flashback de Ben à l'école, En fait, sur le bureau, il y a une tortue, enfin une sculpture de tortue qui est posée. Et en fait, tu vois en arrière-plan, mais qui a l'air d'être sur la tortue, tel que le plan est filmé, le monde. Enfin, une map monde. D'accord. Et du coup, c'est la tortue qui porte le monde. Ouais. Il y a quelques petits clins d'œil comme ça. D'accord. C'est rigolo, ce genre de petits clins d'œil. Ouais. De même que tu peux remarquer, dans la chambre de l'asile de Henry, il y a des lunes dessinées sur le mur. Oui. Qui est une référence au fait que Henry parle à la lune dans le livre. Oui, parce qu'en fait, c'est Gripsou qui lui parle via la lune. En fait, Gripsou lui a dit « parle à mon cul » et Henry a coupé de travers. Hein. « Parle à ma lune hein. ». Voilà. Ouais. Et puis après, il a monté Indochine. Voilà, c'est ça. C'est dans les scènes coupées du livre. Hein. La version longue sort bientôt, on l'a eu en avant-première. Voilà, parfait. Le film rapporte moins que le premier, 211,6 millions aux États-Unis et 261,5 à l'international, bon, ce qui reste très bien. Hein. La réception critique est beaucoup plus fraîche, et le film est beaucoup plus long aussi, donc c'est deux choses qui peuvent expliquer cette différence. Mais il fait tout de même 1 496 163 entrées en France. Et voilà, c'est actuellement le film, il est à 62% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, donc 11e entre Cujo et Cimetière de 2019. Et 3 étoiles sur Allociné, donc 13e ex aequo avec Le Vieux Cimetière, Salem et Cœur Perdu en Atlantide. Donc ça reste des bonnes places, mais c'est largement plus bas, quand même. Et Muschietti a évoqué plusieurs fois la possibilité de faire un super cut des films en incluant une partie des scènes qui ont dû être coupées. Apparemment, il y en a pour au moins une heure, voire deux heures. Mais non, mais c'est bon, ça ira. Mais il n'y a aucune nouvelle concrète à ce sujet-là. Bah, merci. Apparemment, King lui-même a évoqué son envie de faire un épisode de série de 45 minutes en préquel à ça. C'est Joe Hill qui a parlé de ça dans une interview. Et donc Joe Hill conseille à Muschietti d'essayer de contacter les plateformes de streaming pour faire un montage en série, en rajoutant les scènes coupées, et en tournant ce préquel imaginé par King qui ferait un épisode. Oui, non, mais moi je lui conseille de pas le faire, c'est bon, ça suffit. Et même de tourner des nouvelles scènes, et apparemment, je suis d'accord, mais apparemment, détail rigolo, pendant une période, on aurait dû voir le brocanteur, très rapidement, hein, mais récupérer la bicyclette de Bill dans les années 80, et qui est-ce qui aurait interprété, du coup, le personnage de King jeune? Bah, Joe Hill. Bah, évidemment, Joe Hill. Je pense que c'est un clone, Joe Hill, de toute façon. Bah, là, pour le coup, ça aurait été un clin d'œil rigolo. Oui. La ressemblance entre les deux, regardez les photos de King John et de Joe Hill, c'est ultra marquant. Hein. Oui, il n'y a pas de doute que c'est son fils. Hein. C'est ça. Et bon, il y a aussi eu des rumeurs évoquées par Skarsgård, Muschietti et Doberman sur un possible spin-off, mais là non plus, il n'y a rien de bien solide. Donc on va prier pour que ça n'arrive pas. Mais il y avait un projet de série spin-off. Ouais, ou de film spin-off, il y a eu les deux d'évoquer, mais il n'y a rien de concret depuis un moment. Sur les anciens cycles de Hit. C'est ça. Relâche-le! Non! Il reste avec moi! Vous allez tous rester avec moi! Et je me délecterai de votre chair en me nourrissant de votre père! Vous nous laissez en paix? Je le garde avec moi, lui et lui seul. Et j'irai faire ma longue sieste. Pendant que vous deviendrez des adultes bien portants et mènerez une longue existence paisible. Jusqu'à ce que vous retourniez à l'état de poussière. Allez-vous-en. C'est moi qui vous entraîne là-dedans, Je suis vraiment désolé. Vraiment désolé. Allez-vous-en. Non, on ne peut pas le laisser. Je suis désolé. Je te l'avais dit, Bill. Je veux pas mourir. C'est ta faute. Tu me fous un coup de poing, tu m'obliges à marcher dans de la merde, tu me fais entrer dans une maison de drogués. Et maintenant? Je vais devoir tuer ce foutu clown. Bienvenue dans le club des ratés, trop de... Donc, voilà pour toute la production, ça a été long, je m'en excuse. Et on va pouvoir passer à nos avis, je te laisse y aller, Chris. Prends ton temps. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas traiter les deux films comme deux films, on va les traiter comme un seul et même film. Mais il faut quand même l'avouer que la partie 1 est supérieure à la partie 2 déjà. Mm-hmm. Pourtant, bah, c'est pas terrible quand même. Ouais. C'est-à-dire, bien ça le problème. C'est-à-dire que la réalisation n'est pas dégueu. Mucchetti sait tenir une caméra, il fait des beaux plans. C'est une réalisation classique, mais elle est loin des immondes. Il y a même des plans qui sont vraiment bien composés. Ouais, moins dans les scènes horrifiques en fait. Je trouve qu'il gère bien quand c'est calme. Dès que ça doit mettre de l'intention, bah, que c'était déjà mon problème avec Mama, pour moi, il gère beaucoup moins bien. Ça, c'est ce que j'allais dire, ouais. Mm. Le casting est bon, j'ai pas de problème avec le casting, sauf avec le gamin qui joue Richie, et même avec l'adulte qui joue Richie. Et je pense que du coup, il n'y a pas que le rôle de Richie qui est... Oui, le personnage en lui-même est mal écrit, mais les deux acteurs... Il cabotine à mort, et même le gamin en fait, il cabotine à mort, c'est insupportable, j'ai envie de lui mettre des claques. Ouais, après, est-ce que c'est pas justement un côté cabot que peut réellement avoir Richie pour se protéger? Ah mais enfin, je le trouve moins insupportable dans le roman, son personnage. Ouais. Dans le roman, il est taquin, il n'est pas insupportable du début à la fin, quoi. Mm-hmm. Clairement, la gamine qui joue Beverly, c'est peut-être... Je te coupe, mais du coup, le gamin, il s'en sort comment dans Stranger Things? Bah, il joue pas comme ça, parce que c'est pas du tout le même rôle qu'il a. Ouais, quoi. Donc c'est pas une question de... C'est pas lui qui est mauvais acteur. Non, clairement pas. C'est probable, ouais. Clairement pas, c'est vraiment le... Là, pour le coup, c'est vraiment la direction qui est pas bonne, je pense, avec lui. Clairement, la gamine qui joue Beverly, c'est celle qui s'en sort le mieux de tout le casting, quoi. Parce que même McAvoy, il a bon être un bon acteur, il a l'air plutôt paumé, là. Oui. T'as l'impression qu'il sait pas ce qu'il fout, quoi. Bah, on verra les personnages adultes le moins en vue, mais ils sont assez mal écrits tous, une fois adultes, ouais. Je trouve. Bah, globalement, oui, effectivement, les séquences horrifiques, à part rare exception, bah, c'est pas terrible, quoi. La faute, en fait, à une horreur sous cocaïne, j'ai pas d'autre mot, c'est hystérique, c'est n'importe quoi. C'est genre, et toutes les scènes horrifiques sont découpées de la même manière. La personne est là, elle sent qu'il y a un truc qui va pas, la menace arrive, la menace se met à la poursuivre en s'agitant partout avec une musique qui gueule. Mmh. Bah oui, mais les gars, ça c'est bien pendant 10 minutes, mais tu fais pas ça sur toutes les séquences sur les films de ton film. Mais parce qu'elles sont quasiment toutes comme ça, les séquences. Oui, elles sont toutes montées sur le même modèle. C'est ça. Ça se termine toujours par la créature qui s'agite partout en courant. Ce qui est dommage, parce qu'à côté de ça, le design des créatures est globalement plutôt bien inspiré, je trouve. Alors pas tous, hein. Moi j'ai du mal avec certains. Lesquels? Il y en a aussi où c'est le cas, mais... La vieille. Ouais, la vieille, elle est ratée. Elle est ratée, parce qu'elle est ridicule. Ouais. Enfin, elle fait plus sourire qu'autre chose, tellement elle est ridicule. Mm-hmm. Ça aurait été plus flippant, en fait, de la laisser normale, et de la faire courir à poil en étant folle, ça aurait été beaucoup plus flippant. Le lépreux... En balançant son caca. Le lépreux est réussi. Oui. Même si il fait un peu beaucoup cartoon. Ouais, mais du coup, ça peut être cohérent avec la vision que Stan va avoir de ce genre de... Que Eddie, pardon, va avoir de ce genre de truc. Globalement, toutes les bestioles de la scène du restaurant chinois sont laides. Ah, moi, je les trouve cool, justement, dans la scène... Ah, je les trouve pas belles. D'accord. Vraiment. Et puis, la conclusion de la scène est ridicule. La conclusion de la scène est ridicule, mais ça, c'est une autre question. L'autre qui explose... qui explose toute la table avec la chaise, et l'autre, la serveuse qui débarque pour demander... Et qu'on lui demande l'addition... Et elle semble pas plus réagir que ça, alors que son restaurant est mis... est mis en miettes, ouais, ça c'est nul. C'est quand même... D'accord. Enfin, je sais pas, normalement, quand après ils sont sur le parking, t'as les flics qui débarquent, quoi. Ouais, voilà. Et qui les embarquent. Mm-hmm. Mais ouais, les scènes horrifiques, c'est un problème, quoi. Mais toutes les scènes dramatiques sont réussies, par contre. Oui. En fait, Mucchetti devrait se mettre à réaliser des drames. C'est probablement ça. Peut-être des drames fantastiques. Ça pourrait lui coller. Ah oui, ça, à la limite, oui. Enfin, c'est juste l'horreur qui lui va pas, qui lui va clairement pas. Ah oui, à part certaines scènes. Il y a certaines scènes, moi, que je trouve réussies. En termes d'horreur, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Vas-y, je te laisse donner un avis, toi aussi. Bah, moi, globalement, en fait, mon ressenti est pas exactement le même sur les deux parties. Dans le premier, ça fait un peu des montagnes russes. C'est-à-dire, ça passe, vu que ça alterne entre horreur et moments dramatiques, bah, ça alterne entre moments que je trouve réussis et moments que je trouve ratés tout du long. Du coup, j'arrive jamais vraiment à rentrer dedans, mais je suis jamais non plus ennuyé trop longtemps. Mmh. La deuxième partie, je me fais chier pendant 2 heures, et la dernière heure, je retrouve vaguement de l'intérêt. Oui, parce que la deuxième partie se veut principalement horrifique. Ouais. Pour le... Puis, bah, y a ce choix que j'ai évoqué, qui est très très étrange dans l'écriture, d'avoir opté pour une première partie totalement enfant, ce qui est plutôt avisé, mais dans ce cas-là, bah, faut faire une deuxième partie totalement adulte, pas remettre des flashbacks dans la deuxième partie de partout, parce que soit ils sont redondants, c'est-à-dire ils reprennent des choses qu'on avait déjà dites, C'est le cas pour plein de personnages, notamment Beverly, ses problèmes avec son père, et Bill, ses culpabilités autour de son frère. C'est bon, on a compris, et ça a été plus ou moins réglé, en fait, dans la première partie. Et ben, il y a des choses nouvelles, genre la construction du barrage, mais dans ce cas-là, j'ai envie de dire pourquoi je l'ai pas vu... De la cabane, pardon. Mais j'ai envie de dire, dans ce cas-là, pourquoi je ne l'ai pas vu plus tôt, en fait, ça. Ah oui. Alors que ces moments de bonheur, j'en aurais eu besoin dans la première partie, pour vraiment croire à leur amitié. Donc pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans les choix d'écriture. En fait, ça marchait dans le livre, le fait que les personnages adultes reproduisaient leurs problèmes d'enfance, mais parce que tout avançait justement les deux périodes en même temps. Mmh. À partir du moment où on choisit de les mettre en décalé, les problèmes qui sont réglés dans l'enfance, ça donne une impression de répétition, de les remettre à la période adulte. Mmh. Il aurait fallu changer des choses à ce niveau-là, je pense. Et puis même, tu sens, en termes de construction, c'est pas logique. Oui. Si tu fais toute une première partie sans flashback, c'est bizarre de faire une deuxième partie avec une introduction de flashback. Ouais. Cette niveau construction, ça n'a aucun sens. Surtout qu'il y a énormément de flashbacks qui vraiment n'ont aucun intérêt. Tous ceux du milieu, hein. Déjà, quand ils sont isolés les uns des autres et qu'ils revoient chacun un truc, ceux-là, je les trouve tous inutiles. Mmh. Mais c'est inutile parce que les mecs ont voulu être fidèles et donc introduire des trucs. Mais si les trucs, au final, que t'introduis n'ont aucun intérêt, ça ne sert à rien. Oui. Le principe d'un fusil de Chekhov, c'est que ça serve. C'est-à-dire que introduire Silver, ça ne sert à rien dans ta version André. Non. Monsieur Mucchetti, ça ne sert à rien. Silver, dans votre version, ne sert à rien et il n'y a aucun intérêt de l'introduire, en fait. Mmh. Mis à part faire un caméo rigolo de King, mais dans ce cas-là, fais-le durer moins longtemps. Alors, il y a plusieurs fois où il y a des setups sans payoff, soit des payoffs sans setup. Mmh. Sans setup. Par exemple, à la fin du premier, à un moment, il y a Gripsou qui dit « Bip bip, Richie ». Oui. Oui, ok, mais aucun des enfants ne l'a dit dans le film. Ah oui, c'est incroyable ça, j'ai pas compris. Ok, dans le livre, c'est partout, et donc le clown qui le reprend, ça montre qu'il sait ce qu'ils font, parce que en fait, c'est la manière dont les enfants disent à Richie de fermer sa gueule quand il fait une blague trop nulle. Et ok, c'est pertinent de le reprendre, mais dans ce cas-là, faut juste l'amener plus tôt, et c'est pas très compliqué, je veux dire, il en fait 10 par scène, des blagues nulles, Richie. Et dans le roman, c'est vraiment récurrent, c'est quelque chose qui revient très très souvent, et qui perdure à l'âge adulte. Oui. En plus, ils le refont après, quand ils à l'âge adulte, ouais. Ils le refont. Ils le refont au restaurant, quand ils se retrouvent dans le bouquin, ils le font. Et ça, vraiment, c'est un truc, d'ailleurs, que refait aussi le vieux téléfilm, on en parlera à ce moment-là. Oui. Lui, le Bibi Pritchy, il le fait, et il l'utilise bien. Parce que même Ripsou le fait. Ouais, il le fait dans le livre aussi, mais du coup, fallait que ça soit présent. Parce que là, c'est quelque chose qui est compréhensible que par ceux qui ont lu le livre, qui savent à quoi ça se rapporte. C'est comme introduire le petit skater pour le tuer après, alors que justement, le petit skater est utile si Silver est utile. Et donc, si la femme de Bill débarque, en fait. À la limite, ça peut avoir une pertinence dans le côté, pareil, rappel de la culpabilité autour de Georgie, l'enfant vit au même endroit, il y a quand même cette dimension-là un peu. Mais c'est ça, de ne pas avoir réussi à sauver un autre enfant. Mais c'est un peu balourd, on va dire. Ah voilà, c'est ça. Et puis surtout la scène de la mort du petit skater dans la maison de glace, là, c'est pas terrible. Non, c'est dommage, parce que ça a plein de potentiel, un tel endroit, mais qui est assez mal exploité. Voilà, effectivement. C'est ça. La lumière, elle est pas top... Ils sont chacun d'un côté de la vitre, donc c'est un petit peu ridicule, quoi. Au niveau de la réalisation, en fait, des fois j'ai l'impression que... Alors, autant il y a des trucs où Mucchetti, il le gère plutôt bien, les scènes dramatiques, mais autant il y a des fois j'ai l'impression qu'il a des idées de réalisation, mais sur une scène, et que c'est intéressant sur une scène, mais pourquoi ça revient pas à d'autres moments du film. Pour essayer d'expliquer ça, il y a notamment dans le deuxième... Il y a une scène où Eddie se fait attaquer par une mascotte géante. Ah oui, la statue. La statue. Et c'est bien à Eddie que ça arrive, ça. Oui. Je crois, ouais. Ou à Richie. Non, c'est à Richie, parce que Eddie, c'est la pharmacie. Donc à Richie, il se fait attaquer par une mascotte, et à ce moment-là, il y a un changement de la colorimétrie du film, qui fait une colorimétrie toute bizarre, comme si ça modifiait la perception du réel. Et pourquoi pas, j'imagine tout à fait ça pouvoir faire ça, enfin Gripsou pouvoir faire ça. Sauf qu'à aucun autre moment il y a un effet de ce genre-là dans le film. Oui. Donc pourquoi ici et pas ailleurs? C'est quoi le délire? Et il y a plein de moments où j'ai l'impression comme ça qu'il y a des trucs qui ont été un peu improvisés, même Même ce qui va tourner autour de l'homosexualité de Richie, c'est amené dans le deuxième, mais c'était clairement pas pensé dans le premier. Et ouais, en fait, il est amoureux de... d'Eddie. Et là, il refoule son homosexualité, et ça peut être intéressant hein, comme thème. Mais justement, dans le thème des oppressions, c'est intéressant. Oui, mais vu que c'est pas abordé dans le premier, et qu'en plus voilà. Ça arrive tardivement dans le deux. Ouais. Donc, voilà, des fois, il y a des trucs, j'ai l'impression que ça a été pensé... un peu aléatoirement et que ça marche pas très bien. Enfin, ça fait un peu déconnecté. Il y a trop de scènes qui ont l'air déconnectées du reste. Mais c'est ça en fait qui est incroyable, c'est que il y a des moments où les plans sont réussis et même dans certaines scènes horrifiques. Moi, je pense quand Ben est à la bibliothèque et qu'à un moment il va dans le sous-sol. Oui. Il entend un bruit de pas et il voit une silhouette qui commence à descendre de l'escalier. La silhouette s'arrête pile au moment où en fait le haut de l'escalier cache sa tête. Ouais. Et il reste immobile. Et la seconde d'après, il descend. En fait, tu vois qu'il a plus de tête. Oui. Que c'est un cadavre décapité. Et qu'en fait, du coup, bah, tu voyais l'entièreté du corps. Mais du coup, ça joue avec le fait que l'escalier te bloquait la vision, que c'est une illusion d'optique, quoi. Et je trouve que là, ce passage-là fonctionne très bien. Et puis, bah, après, il s'agit de partout. Et du coup, après, t'as la musique qui gueule. Et donc, ça redevient nul. Alors, si, en scène horrifique, une qui fonctionne, je trouve, c'est vers la fin du 2. C'est le montage parallèle entre Beverly et Bill. Non, entre Beverly et Ben, pardon. Ben qui se fait recouvrir de terre dans une reproduction de la cabane, et Beverly qui se noie dans du sang dans des toilettes, ça fait très carré d'ailleurs comme concept. Là, le montage alterné fonctionne et raccord avec leurs peurs respectives. C'est juste dommage qu'il y ait des effets dégueulasses de plein de gars qui essayent d'ouvrir la porte là. Ouais, oui, ça c'est moins réussi, il cabotine trop. Hein. Voilà, et puis surtout avec un clin d'œil qui n'a aucun sens. Oui, avec Johnny, Voilà. Ça n'a aucun sens. Bah, en fait, ça aurait du sens s'il y avait un personnage qui s'appelait Johnny. Oui. Mais vu que là, il n'y a aucun personnage qui s'appelle Johnny, ça n'a aucun sens. Pourquoi mettre ce clin d'œil-là? Je ne comprends pas. Et pour le coup, la scène de Eddie et Richie qui sont face aux trois portes, autant dans le premier, j'en suis pas fan, autant dans le deux, je trouve que le côté humoristique, quand ils voient le petit chien, par exemple, fonctionne bien. Et ça, j'avais pas remarqué au premier visionnage, mais en fait... il voit aussi la moitié basse d'un corps, il voit les jambes coupées d'une nana. Et en fait, bah, la première fois, quand ils étaient enfants et qu'ils étaient dans la même pièce, ils voyaient le haut. Oui, c'est le haut. Du coup, c'est le même cadavre. Ça, j'ai trouvé ça rigolo, tu vois. Ça, c'est le haut. Et qui voit après. Mais la scène du chien, c'est rigolo, mais ça dure trop longtemps, en fait. C'est ça. C'est l'un des problèmes de beaucoup de des scènes du film, elles sont trop longues. Mais globalement, c'est un des endroits où t'as bien l'idée de l'humour totalement cruel et perché que peut avoir Gripsou. Oui. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Je pense en fait que c'est pour ça qu'on a essayé, que Muschietti a voulu faire une deuxième partie un peu plus humoristique. Mmh. C'était pour amener un humour de clown cruel, mais que je trouve globalement pas très bien géré. Il y a 2-3 blagues qui me font rire. Ah, mais le problème, c'est que l'humour n'est pas apporté par Gripsou, il est apporté par les humains. Ouais, c'est ça. Il est apporté par les ratés, qui du coup désamorcent toutes les scènes qui vivent en fait. En fait, tu les vois littéralement se jeter dessus et hurler de peur partout, mais ils font des blagues tout le temps. C'est pas logique, les gars. Tu vois? Ou alors, à la limite, encore une fois, c'est logique venant de Richie. En fait, très souvent, dans les récits de monstres qui se nourrissent de peur, j'ai toujours un problème. C'est qu'à chaque fois, les personnages te disent « Ah, on n'a pas peur, regarde, on en arrive à te vaincre », et donc la créature commence à souffrir. Ils te disent « On n'a pas peur », mais ils passent leur temps à hurler. Mais si t'as pas peur, tu ne hurles pas, je ne comprends pas. C'est un truc qui m'a toujours questionné. Je pense que c'est une question de jeu, là, plutôt. C'est, en fait, tu peux dire « j'ai pas peur », mais mentir. C'est juste essayer par bravade de te convaincre. Oui, mais là, pour le coup, vu que c'est une créature de fou, il devrait sentir qu'il joue. Ouais, mais c'est un peu essayer de s'auto-convaincre. La conviction positive, un peu la méthode Coué. Oui, mais je pense que ça, ils s'en foutent. Tu regardais pas la télé le jeudi soir à 22h? Non, j'écoute la radio maintenant, c'est là-bas qu'il est. Mais oui, je pense que ça s'en fout, mais à la limite l'idée est pas mauvaise, tu vois, ça aurait été mené, pourquoi pas. Ça serait amené par Gripsou tout le temps, en fait, un peu comme ce que fait Freddy, parce que typiquement, c'est ce que... En fait, le coup des trois portes, c'est quelque chose qu'on pourrait voir dans un Freddy, totalement. Un épisode de Freddy. Voilà, là ça aurait pu être réussi, mais le problème c'est que c'est pas lui qui amène l'humour, c'est que c'est les ratés. À la limite, s'il y a un moment qui m'a fait rire, une blague de Richie qui m'a fait rire, c'est quand il retourne à la maison de Maybot Street et qu'il y a Bill qui dit « Vous vous souvenez de ce qu'on s'est dit, en entrant la dernière fois ?» Et Richie qui répond « Heureusement qu'on fait pas un concours de qui a la plus grosse. » Là, j'ai trouvé ça drôle parce qu'effectivement, ils disent ça dans le premier film et le rappel fonctionne, là, pour le coup. parce que c'est un des moments où il fait une blague un peu drôle et qui va avec son perso en fait. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, bah, c'est lourdingue. Mouchetti est aussi à l'aise avec l'humour qu'avec l'horreur. Donc, oui. Voilà. Il faut en parler, hein, le costume de Gripsou. Bah, alors c'est louable de vouloir changer le design pour pas faire un copier-coller avec le design du Gripsou du premier téléfilm. Mais là, le problème, c'est que de base, il est effrayant, en fait. Moi, je suis un enfant, je vois un clown comme ça, mais jamais je vais le voir. Tu vois, de base, il fait peur. Ouais. Bon, il n'y a pas que le costume, hein. Il y a le jeu de Skarsgård aussi qui est très... Même le maquillage. Qui est terrifiant. Le maquillage est effrayant. Oui, c'est effectivement, dès la scène avec Georgie, enfin, dès toutes les scènes, la voix ne marche pas. Enfin, il a une voix qui fait peur. Bah oui, alors on en parlera quand on le traitera, mais pour le coup, oui, je peux croire qu'un enfant aille vers le Gripsou de Tim Curry. Oui. Parce que là, c'est vraiment un clown. Il a rien d'effrayant de base. Il est effrayant quand il se transforme. Mais c'est là que, bah, dans ce que j'ai lu des notes tout à l'heure, en fait, c'est pas logique de pas avoir opté pour un clown à la Ronald McDonald, parce que justement, Gripsou devrait être un clown à la Ronald McDonald. Bah oui. C'est bien pour ça que c'est un prédateur. Bah oui. Donc ouais, ce choix marche pas. Bah, globalement, en plus, au-delà du fait que ça marche pas, qu'il peut pas attirer les enfants, je le trouve très vite insupportable. Oui. Parce que tu sens qu'il en fait des tonnes pour te faire le plus peur possible, bah il oui. cabotine à mort. Il s'agit de parcours. Et la réalisation aide pas, il y a notamment un effet qui se reproduit je ne sais pas combien de fois, c'est quand il avance vers la caméra en gigotant partout, où t'as l'impression que l'image est accélérée. Cet effet-là, une fois, ok, mais il est je sais pas combien de fois sur les deux films. Oui, bon, c'est bon, stop. En fait, les seuls moments où ça marche, c'est quand il y a des déformations de corps qui sont faites numériquement. Oui. En fait, il y a juste après l'attaque de Richie, avec la grande statue, quand Richie fuit, lui, on le voit, il s'approche de la caméra, et t'as son visage qui se déforme de manière ovale. Et là, l'effet rend bien, et là, il est flippant. La seule scène où il fonctionne dans le côté attirer quelqu'un, c'est avec une petite gamine dans le 2, qui a une tache de naissance, et en fait, elle va suivre une luciole alors qu'elle est dans un stade en train de regarder un match avec ses parents. Elle va aller sous les gradins et Gripsou va l'attirer en jouant sur l'idée « Tu veux pas voir mon visage parce que t'as peur qu'il soit trop laid et tu ne voudras pas être ami avec moi. » Oui, parce que la gamine a une tache de naissance aussi et donc ça lui renvoie vers elle. Et pour le coup, là, il joue bien, il joue bien la peine et compagnie. Et donc, c'est une scène où on croit vraiment à sa capacité à attirer des... Bah, attirer des enfants. Et pour moi, c'est une des deux seules scènes auxquelles j'ai pas de reproche à faire dans le 2. Ça et l'attaque du couple homosexuel au début. Qui est. Mouchetti choisit de la rendre très brutale en fait. Ouais. Encore une fois, là, les coups, on les sent vraiment. Et très terre à terre comme très terre à terre, très violente. Donc, ok, là, c'est directement le personnage de ça est posé. Il est terrible, il peut faire des dégâts énormes en fait, et des dégâts encore une fois très concrets. Et même quand le fantastique et l'horreur arrivent dans cette scène-là, elle arrive plutôt bien. Au début, tu vois un ballon qui passe, puis après tu vois une foultitude de ballons qui descend du pont. Ouais. Et de loin, le survivant voit que Gripsou est en train de ramasser le corps de son compagnon. Quoi. De loin, il le voit, et puis il le voit en train de bouffer son compagnon. Bah, puis après, bon, on comprend que ça termine pas bien pour lui. Mais... Si t'es mon ami, pourquoi tu te caches dans le noir ? Tu peux pas être mon ami, tu fais trop peur. Pourquoi tu pleures? À cause de ma tête, tout le monde se moque de moi. Je me disais que si tu ne voyais pas ma tête, tu voudrais peut-être devenir mon ami. Oh, laisse tomber. Oh, pauvre, pauvre Gripsou, tu ne te feras jamais d'amis. Moi aussi, tout le monde se moque de moi. C'est vrai? À cause de ça. Si c'est pas ridicule, cette toute petite chose, alors que je pourrais l'effacer en un clin d'œil. C'est vrai? Bien sûr, un petit tour de magie et hop, disparu. Oh, pour ça, il faudrait te rapprocher assez bien pour me voir. Oh, je sais pas si c'est une bonne idée. Non, t'inquiète pas, je vais pas me moquer de toi, promis. Promis. Bon, ben d'accord, alors. Il faut juste te rapprocher un petit peu plus, et à trois, on va faire disparaître cette petite tache. T'es censé dire 3. C'est les deux moments réussis du 2. Il y en a un peu plus dans le 1, oui, comme on l'a dit. Moi, dans le 1, j'aime beaucoup la scène... En fait, j'aime bien la scène des diapos, juste jusqu'au moment où ça apparaît. Oui. Tu sais, en fait, j'aime bien la scène des diapos, quand, genre, ils voient tous les diapos, après, les diapos défilent super vite, et on voit qu'en fait, le visage de la mère de Bill... Oui, c'est Bill. Ouais. Le visage de la mère de Bill devient en fait Gripsou. Gripsou, ouais. Et après, là, t'as la coupure de courant et t'as ça qui, du coup, sort, sort de l'écran. Et bon, là, à partir de là, ça devient... il est là, il s'agite partout et la musique est cool. Mais la transformation sur les diapos, elle est réussie. Alors, il y a un moment qui m'a fait bien rire dans le deuxième. C'est dans un flashback de Ben, qui commence plutôt bien aussi. C'est celui où il est dans l'école, en train de discuter avec Bev, et on se rend compte que c'est pas Beverly, en fait, c'est Gripsou. Ouais. Et ça, il démarre bien ce flashback, surtout que la tête en feu de Beverly, pour le coup, je la trouve super bien faite. Ouais. Sauf qu'à un moment, alors qu'elle a la tête en feu déjà et qu'elle est en train de sortir des atrocités, il y a Ben qui dit « Beverly ne dirait jamais ça ». Ouais, Beverly, c'est pas Ghost Rider non plus, donc... Enfin, il y avait des signes quand même, là. Ah oui. Non mais, ça, c'est comme la scène ridicule. Il faut en parler de ce connard de Bowers qui ne sert à rien. Oui. Dans les deux films, il sert à rien. Mmh. Et il y a cette scène où il attaque Eddie dans la salle de bain. Et c'est ridicule, quoi. Oui. Parce que l'autre, il le plante dans la joue, et l'autre, avec son couteau dans la joue, il genre, il rigole un petit peu, il fait des trucs bizarres. Il rentre, genre, dans la baignoire, et tu sais, il tire le rideau, c'est ridicule, quoi. Enfin, tout est ridicule. Apparemment, Muschietti dit que son inspiration inconsciente là-dessus serait été la mort de Peter Sellers dans Lolita. Bon. Où il a un côté un peu cabot comme ça, mais bon, le personnage de Peter Sellers, il est drogué et bourré au moment de cette scène, ça joue peut-être. Enfin, et puis l'autre, là, tout content, déjà sur le parking, il retire le couteau, alors il l'a planté dans le sternum, alors que dans la scène, il l'a dans l'estomac. Bon, ça, passons, les faux raccords, ça existe. Mais genre, il s'en va en courant, en disant « Ouais !» Genre, il est content, genre, j'en ai buté un, quoi. Bah non, tu l'as juste planté dans la joue. C'est pas comme si on avait, c'est pas comme si on avait un cerveau dans la joue. Ouais, voilà, bah, à la limite, il est fou, et genre, c'est un peu facile. Ouais. Moi, quand je mange et que je me mords les joues, bah, je vais pas mourir. C'est complètement con, cette scène, putain. Et en plus, cette scène-là n'est faite que... Parce que c'est clair, c'est une scène qui est là juste pour ne pas envoyer le personnage de Mike à l'hôpital. Du coup, parce que normalement, c'est lui qui se fait attaquer. Oui. Voilà, c'est ce juste qui, à la pour limite, ça. Est plutôt bien vu de ne pas envoyer Mike à l'hôpital et qu'il soit présent à la fin. Ah oui, clairement. Bon, il aurait fallu appliquer la même logique dans le premier et pas transformer Bev en princesse en détresse pendant tout le final. Parce voilà. Ça, c'est vraiment du gâchis aussi. Mais du coup, pourquoi avoir transformé Ben en archiviste dans le premier film, le gamin? Alors, ça, je pense que c'est parce qu'ils ont totalement enlevé justement ce qui concerne le barrage et le... et la cabane, et normalement Ben, c'est surtout dans ces moments-là qu'il est utile. Ouais. Parce que c'est le mécanicien du groupe. À partir du moment où t'enlèves tous les moments où les enfants font des trucs un peu mécaniques, Ben n'a pas d'utilité si tu leur donnes pas le rôle qui normalement est celui de Mike, en fait. Ah mais du coup Mike, dans le premier film, ne sert à rien. Il est là juste pour la critique raciste. Oui, c'est ça. Et le souci aussi, c'est que Ben, je trouve, dans le premier, en sait beaucoup trop pour un gamin, tandis que Mike, il apprend les choses surtout à l'âge adulte, ou alors via ce que lui dit son père. Tandis que là, Ben, en faisant quelques recherches sur Wikipédia et à la bibliothèque, enfin pas Wikipédia évidemment, mais il trouve plein de trucs, il t'explique tout le film en fait. C'est limite l'agent Mulder qui vient de faire une conférence au milieu du film. C'est ça. Ça m'a posé problème en fait. Mais je pense que c'est pour ça que Ben a pris ce rôle-là. Oui, non mais oui, du coup, oui, c'est logique. En autre scène, tiens, qui fonctionne, je trouve que la scène où... Henry tue son père est plutôt réussi. Oui. Ça, il arrive sournoisement derrière son père alors que lui est en train de somnoler devant la télé. Il met le couteau, qui est un couteau à cran d'arrêt, il le met avec la lame dans le manche, donc qui n'est pas encore déplié. Au niveau du cou, il lâche la lame d'un coup. Ouais. Et là, il le regarde, tu sais, genre il l'empêche de se débattre, il le retient. trouve que les deux acteurs jouent vraiment bien dans la scène, et la scène est bien filmée, quoi. Bah, la scène où, juste avant, où le père, justement, lui mime, tu sais, en tirant à ses pieds, en lui disant, voilà, quoi, comment on reconnaît une flippette, elle fonctionne bien aussi, celle-là. C'est vraiment les seuls moments où le personnage brille un peu, quoi. Ouais. Parce qu'après, tout le reste... Ah oui, dans le côté réalisation qui semble ne pas savoir faire ses choix, au début du 2, il y a ce truc très étrange où tu vas revoir chacun des ratés une fois adulte. Oui. Et au début, tu passes de l'un à l'autre sans transition, tu changes juste de plan. Et après, entre certains d'entre eux, tu vas avoir des transitions beaucoup plus soignées. Quand tu arrives sur Beverly, t'as un effet de transition pour arriver sur elle. Mm-hmm. Enfin, y a des trucs comme ça avec des effets de réal bien poussés. Comme il y en aura plus tard pour les passages flashback, présent, présent, flashback. Par exemple, mais ils sont pas tout le temps là. Par exemple, le moment où Stan va à la pharmacie quand il est adulte. Ouais. Et après, tu vois sa silhouette enfant qui arrive derrière lui, où les visages se mettent en transparence et le visage adulte disparaît. Donc tu sens des fois qu'il y a des envies de faire des transitions, mais c'est pas tout le temps là, comme si des fois il y avait eu la flemme. Enfin, je sais pas. Il y a un manque de vision d'ensemble, peut-être, ici. Mais il y a un autre truc qui m'a sorti de pas mal de scènes, c'est des délires musicaux. Oui. Qui n'ont absolument rien à foutre là. Foutre du trust pendant la guerre de Caillou, enfin pendant la bataille de Caillou, ça n'a rien à faire là. Vraiment, ça te sort totalement du truc. Ah bah moi j'ai perdu mon sang-froid. Enfin en plus ils mettent une reprise anglaise de trust, mais ils mettaient la version française de base. À la limite peut-être qu'ils savaient pas, je sais pas s'ils savent bien que c'est une reprise. Peut-être qu'elle a super bien marché là-bas, j'en sais rien. Peut-être. Il y a ça aussi quand ils nettoient la salle de bain. Oui. Alors que normalement c'est une scène ultra émouvante dans le roman. Et l'une des scènes réussites du téléfilm aussi, on en a. Mais pourquoi mettre ça? Et t'as une scène aussi où à un moment t'as... Vu qu'il se fait vomir dessus. Voilà, qui se fait vomir dessus et t'as une musique de merde. Ouais. Qui est mise à ce moment-là. C'est il y a plusieurs fois où il y a des choix de montage un peu chelou, bah, genre ça. À un moment pareil dans la chambre de Ben quand Beverly y entre. Tu vois toute sa chambre avec toutes ses notes, surtout, donc il fait beaucoup trop adulte déjà. Et après, t'as un gros plan sur son poster Kids on the Block, New Kids on the Block, dans sa chambre avec un riff de guitare. C'est trop en fait, c'est trop appuyé. Autant c'est plutôt rigolo d'avoir cet élément totalement détonnant. En fait, la blague est rigolote, ouais. Mais c'est l'effet musical rajouté qui fait que ça. Ouais. Parce que la blague est rigolote, sinon le fait que genre elle voit le poster, les deux ils se regardent avec un petit regard complice et puis hop, elle cache le poster pour que personne d'autre ne le voit à part elle. La blague est rigolote. Ouais. Et puis, bah, pareil, au niveau de la bataille de Caillou, je la trouve infernale avec les ralentis, tout ça. Enfin, ça vire à la... Ouais, ça vire à la blague, en fait. Alors qu'elle peut avoir un côté un peu comique, parce que c'est la première fois que tous les ratés sont vraiment réunis, donc elle est importante, cette scène, mais pas comme ça. C'est marrant, parce que moi, dans mon esprit, à la lecture, ils étaient pas aussi proches. Oui. Les deux bandes. Là, les deux bandes, c'est vraiment... Il y en a un, il fait trois pas, c'est bon, il est avec les autres, quoi. Il peut leur mettre des droites. Ouais. Ils sont vraiment face à face, même pas... Ils doivent être à 2 mètres, 2 mètres et demi, quoi. Moi, à ma lecture, j'avais l'impression qu'ils étaient à 6 mètres, quoi, de distance. Oui, pareil. Donc, du coup, ça fait un peu ridicule, puis plus la musique en fond. Et... Alors, par rapport au nettoyage de la salle de bain, c'est d'autant plus dommage que le décor ensanglanté de la salle de bain, par contre, je trouve qu'il est vraiment chouette. Oui, il a réussi, Il a un côté assez cauchemardesque qui fonctionne. Ça fait partie des scènes... Même la scène où avec les cheveux qui attaquent Beverly, elle est plutôt réussie, d'ailleurs. Ouais, alors il y a un effet de sang, quand le sang jaillit, qui est numérique et qui se voit un peu, je trouve, par contre. Qui m'a un peu gêné. Globalement, les critiques disaient que les effets visuels étaient cool. Moi, je trouve qu'il y a pas mal d'effets visuels qui sont dégueulasses, On va dire que pour le budget, je trouve que ça va quand même. Ouais. Ça. Bill ! Non ! C'est hors de question. C'est à cause de moi que ça a commencé. C'est de ma faute si vous êtes tous ici. Cette malédiction, cette saloperie qui est à l'intérieur de vous, ça a commencé à croître le jour où je vous ai demandé de venir dans les friches parce que moi, je pensais qu'à retrouver Georgie. Alors, je vais entrer dans cette maison et je sais pas ce qui va arriver, mais je peux pas vous demander de me suivre. Ça. Eh bien, on ne te demande rien non plus. On a affronté ça ensemble à l'époque. On va affronter ça ensemble aujourd'hui. Les ratés doivent se serrer les coudes. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose ? C'est Richie qui a eu la meilleure réplique la dernière fois. Ah ouais ? Je veux pas mourir ? Pas celle-là. Ma queue est plus grosse que la tienne? Non. Elles ont tué ce foutu clown? Ouais. Elles ont tué ce foutu clown. En fait, l'une des créatures que j'aime bien dans le film, c'est la femme du tableau. Oui. Elle, elle est chouette avec son... Fait un peu munch. Ouais, avec son visage un petit peu déformé. Elle, ça pourrait être une créature de... qui sortirait d'un film de James Watt, quoi. Oui, effectivement, ça ouais. Ça pourrait vraiment être ça, quoi. Elle, elle a vraiment un chouette design, celle qui attaque... Eddie. Stan. Stan, oui. Ouais. Je trouve que dans le premier, il y a une partie des personnages qui ont clairement pas assez de background, donc Stan et... Stan, Richie et Ben, notamment, je trouve. Ils sont quasiment pas creusés, en fait. Oui, voilà. Les autres ont tous leur petit traumatisme, mais Stan, bah on comprend qu'il est juif, mais je crois qu'il y a aucun moment dans le film où son judaïsme est mis sur le devant de la scène. Lui est pratique pour l'aventure, tu veux dire? Bah, pas forcément pratique pour l'aventure, parce que le judaïsme, je sais pas si c'est très utile pour lutter contre un clown maléfique, mais plus que ça ressorte dans les persécutions dont il serait victime. Bah, tout ce qu'on voit, c'est que ou ça... alors tout ce qui concerne sa bar mitzvah et de la peur qu'il y a autour. Bah, en vrai, tout ce qu'on voit, c'est que son père est très exigeant, quoi, parce que c'est le rabbin. Ouais, voilà. C'est tout. C'est le seul, c'est la seule scène où on voit où c'est mis en avant. Quoi. Mm. Donc ouais, il est un peu négligé. Il y a des personnages un peu négligés. Toi, tu me disais, franchement dommage. Tu me disais en off que t'aimais bien le combat final contre ça. Pas tout, mais je trouve qu'il y a certains bons éléments. Le rituel de Chud, je trouve qu'il fonctionne pas mal. Mm-hmm. Le souci, c'est qu'il est pas assez introduit, mais l'idée de devoir brûler leur enfance, vraiment, je trouve ça intéressant. Oui, sur l'introduction, il sort de nulle part. Ouais. Ah, le ballon qui gonfle aussi, je trouve que là, pour le coup, c'est assez joli. Ouais, sympa. C'est un aspect absurde. Et le combat final, il dure beaucoup trop longtemps, mais on va dire que les formes que revêt ça sont pas inintéressantes, les lumières mortes donnent un style visuel intéressant. Moi, mon problème, c'est qu'il garde sa gueule de Gripsou quand il est en grosse araignée géante, quoi. Il n'y a pas de raison, pourquoi tu fais ça? Bon, pour avoir ce Skarsgård qui joue, faut quand même profiter de ça. Non, mais il n'y a aucun intérêt, quoi. Enfin, ouais. Scénaristiquement parlant, t'as pas de raison. Ouais, ouais, ou alors à la limite, il faudrait qu'il y ait des éléments de sa gueule, mais pas tout, que ce soit un mélange hybride. Parce que justement, il veut leur faire peur, il se rend bien compte que sous la forme de Gripsou, il leur fait pas peur. Fini ta transformation, du coup, c'est bizarre. Mais vraiment, l'effet Gripsou tout rachitique à la fin, là, quand il lui arrache le cœur, ouais. Là, l'effet est vraiment réussi, par contre. Ouais, c'est Et il joue bien. Oui. Il joue bien, vraiment. Il sait bien mourir, peut-être. À ce moment-là, vraiment. Chacun sa spécialité. Il reproduit bien la peur, quoi. Mais oui, le combat est beaucoup trop long, quoi. C'est n'importe quoi. Ah, la toute fin, même ce qui suit le combat, est beaucoup trop long. Il y a plein de scènes de conclusion qui s'enchaînent. C'est bon, foutez-nous la paix. C'est bon, on a déjà. Arrêtez ça. On ça arrête déjà 2 heures. On arrête déjà 2h30, si vous plaît. Ouais, arrêtez, stop. Par rapport à la partie adulte, alors autant dans la première partie, je trouve que l'harmonie du groupe fonctionne pas mal. Oui. Voilà, on les voit pas assez profiter ensemble, mais ça fonctionne bien. On sent que c'est le casting, en fait, s'entend bien, et du coup, il y a un truc qui marche. Et c'est pour ça que, du coup, les scènes comme la création de la cabane, ça manque, parce qu'on voit pas assez de scènes de paix, en fait, entre eux. Ouais, c'est ça. Il aurait vraiment fallu ça, qu'ils y reviennent à quelques moments. Il y a que la scène de la crique. Ils sont au calme, il n'y a pas encore de menace, vraiment, que celle-là, quoi. La crique, tu veux dire Quand ils vont se baigner. Oui. Oui, effectivement. Ils se baignent et qu'ils sont là avec leur début d'adolescence. Mais il n'y a pas encore Mike. Ils regardent Beverly en train de bronzer. Mm. Et puis ils sont là, oh, une femme, une fille. C'est rigolo, quoi. C'est rigolo parce que c'est des trucs qu'on a tous vécu en étant enfant, quoi. Oui, il n'y a pas encore Mike, mais il n'y a aucune scène apaisée avec Mike, du coup. Oui, bah, c'est ça, normalement il y en a dans le livre. Mm. Par contre, dans la deuxième partie, ça marche bien moins bien. Parce que, il y a 3 personnages qui posent problème pour moi dans la deuxième partie à ce niveau-là. Voire 4. Sur 6, ça commence à faire beaucoup. Oui. C'est Bill qui va la jouer solo complètement. Bon, on essaie de le lier à sa culpabilité, mais il y a un moment, il ne faut pas être con non plus. Richie et Eddie, c'est des connards finis dans leur version adulte. Et bah, y a Mike aussi qui me fait des mensonges bizarres pour essayer de les attirer. On ne comprend pas trop. J'ai pas compris le désir du mensonge de Mike. Moi non plus, mais du coup, ça transforme le personnage en connard au dernier moment. Bah oui, après tout ce que, mais surtout après tout ce que vous avez vécu ensemble, ouais. Pourquoi tu fais ça? J'ai pas compris. Mais surtout, ouais, bah, Eddie et Richie, ils sont vraiment insupportables. Enfin, ils sont odieux pendant toute la deuxième partie. Et alors, le fait que Bill soit joue solo comme ça, est-ce que ça serait pas une exigence côté agent de McAvoy? Ça pourrait, hein, après tout. Ouais, peut-être, mais bon, je trouve que ça gâche le film. Enfin, qu'il le fasse un peu, pourquoi pas, mais pas au point où il le fait là. Est-ce que c'est la plus grosse tête du casting? Genre montrer que c'est vraiment la plus grosse tête du casting. Ouais, ouais, je sais pas. Ça pourrait, en tout cas. Parce que ce serait totalement con, mais ça pourrait. Mm. Mais ouais, en fait, bah, les seuls qui ont une complicité dans la deuxième partie, c'est Ben et Bev, en fait. Ouais. Bah non, et quand même un peu Eddie et Richie. Et oui, Eddie et Richie, le chou, mais oui. Il y a cette complicité de « on se prend le chou », mais ils l'avaient déjà quand ils étaient gamins. Sauf, oui. Sauf que là, ils se prennent le chou en mode vraiment brutal, quoi. Bah, c'est genre, mais c'est même pas amis, en fait. Ils sont méchants avec les autres, et voilà. Ils ont aucune solidarité, ils ont rien, enfin... Ah, c'est deux gros connards. Ouais. Ah, Richie, c'est un connard dès qu'il est petit, déjà. Ouais, mais en fait, dans la version petit, je peux me dire, c'est qu'il est gamin, c'est l'adolescence et tout, dans la version adulte, non, il n'a pas cette excuse. Oui, mais du coup, tu ne traînes pas avec lui quand même, même si c'est l'adolescence, tu ne traînes pas avec ça. Oui, oui, c'est... On va faire encore traîner avec le barjo. Ah, vous n'êtes pas abusé. Il est fils de flic, faut pas déconner. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Bon, il y a des trucs, ça passe pas. Mais oui, voilà, là, ils ont aucune harmonie, quoi. Le groupe n'a aucune harmonie. Après, peut-être que les deux gamins qui jouent Richie et Eddie, dans les lettres qu'ils ont envoyées aux acteurs qui font les allusions, ont écrit « gros connard », en gros. Peut-être. Donc, voilà. J'ai pas cet élément-là. C'est peut-être ça. Globalement, en fait, ce qui manque, ce qui est raté aussi, bah, c'est la... Enfin, on en a déjà parlé un peu, mais la scène de leur retrouvaille... Alors, il y a un moment qui fonctionne dans la scène de leur retrouvaille, c'est le message sur Stan qu'ils doivent reconstituer avec les cookies, ça c'est bien vu. Par contre, avant ça, bah, quand ils se retrouvent dans le restaurant, déjà ça arrive super rapidement, on les voit pas du tout voyager. Oui. Tout d'un coup on est devant le resto, c'est un peu brutal comme arrivée. Et après en fait, on voit assez peu de plans avec eux tous ensemble qui interagissent, du coup visuellement je trouve que leurs complicités, leurs retrouvailles ne sont pas assez installées. Et après, quand la peur réarrive et qu'ils se réisolent tous un peu dans leur coin, dans leur angoisse, il y a certes une différence de focale qui est censée les isoler un peu plus, mais elle n'est pas assez marquée. Et là, je trouve que le contraste marche pas. On les a pas vus assez se réunir, en fait, tout bêtement. C'est ça. Donc, bah, une faiblesse du premier qui revient, en fait. C'est ça, c'est leur amitié qui n'est pas si mise en avant que ça, quoi. Donc, Wells, globalement, le deuxième, ouais, vraiment, je comprends pas les choix de perdre autant de temps avec des flashbacks... pour finalement négliger plein de trucs de développement de personnages. Et c'est dommage, parce que pour une fois que le cinéma horrifique est aussi mis en avant avec un budget aussi sympathique, ça aurait été l'occasion de faire des choses bien. Parce qu'en plus, c'est le film, visuellement en tout cas, ne se veut pas si grand public que ça. Hein. Oui. Il y a quand même des passages assez violents graphiquement. Ah bah oui, oui, ça, clairement, c'est... Bah, il a de nouveau un PG-17, hein, donc oui. Déjà de base. C'est un vrai film d'horreur, quoi, c'est... Bah, après, c'est un vrai film d'horreur, c'est un film d'horreur à gros budget, quand même, qui se veut un peu pour tout le monde. Mais pas tant que ça. Une scène où j'ai pas du tout retrouvé non plus la vision de Muschietti, telle qu'il l'annonce, c'est la scène de l'arrivée sur Terre de ça. Muschietti disait qu'il voulait filmer un truc très viscéral. Moi, je vois juste une caméra qui s'agite partout avec des effets numériques dégueulasses. Enfin, cette scène-là, je la trouve horrible. Ah oui, hein, d'accord. Donc je vois pas ce que ça a de viscéral, et ni comment ça peut l'être. Par contre, une petite référence rigolote, quand ils vont se rendre dans pour affronter Gripsou et qu'ils passent devant le tunnel des friches, y a un plan où on les voit passer tous les uns derrière les autres le long du tunnel, qui rappelle beaucoup la pochette d'Abbey Road, des Beatles. Ouais. Et en fait, sur ce plan-là, Eddie est pieds nus. Et sur la pochette d'Abbey Road, celui qui est pieds nus, c'est Paul McCartney. Et le fait qu'il soit pieds nus, c'est un des éléments qui a très très souvent été repris par cette espèce de théorie du complot selon laquelle McCartney serait mort et remplacé par un sosie. Donc en fait, ça, c'est une sorte de petite annonce du destin à venir de Eddie. D'accord. Ça, c'est un peu rigolo. C'est rigolo, ouais, comme clin d'œil. Mm-hmm. D'accord. Bah, c'est... bon, j'essaie de citer les trucs. C'est un faux peu, ils savent. je revois mes ambitions à la hauteur de ce que je suis en train de regarder. Voilà. Hein. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, c'est pas du... C'est pas... On peut pas dire décemment que c'est de la grosse merde. Non, non, il y a une production value, mais... Et clairement, ça... Ça fait partie de ces films où je peux comprendre vraiment que ça plaise, en fait. Oui, oui. Un public qui est pas forcément habitué, qui a la peur facile, tu vois, qui n'a pas les mécaniques. À la limite, je veux bien comprendre aussi que la nostalgie années 80 fonctionne dans le premier. Ça commençait à être la période de la vague où on en faisait beaucoup. J'imagine que ça parlait à cette génération aussi. Mmh. Mais bon. Enfin, moi qui n'ai pas vécu dans les années 80, j'ai besoin de plus que de quelques références à New Kids on the Block pour que ça fonctionne. J'ai besoin de plein de développements autour de ça. Oui. Et voilà, c'est du film d'horreur moyen. Et si tu vois, à la limite, le premier, je pourrais presque le conseiller un peu, mais comme il y a le deuxième derrière, que pour le coup, je trouve vraiment raté, pas vraiment. Et pour le coup, le 1 ne se suffit pas du tout à lui-même. Hein. Il faut la suite. Oui, à l'extrême limite. Alors, pour toi, ça part enfin ouverte, et voilà. Ouais, oui, à la limite, on peut le prendre comme ça. Je pense que c'est faisable. Oui. Ah, le problème, c'est que le titre, c'est partie 1. Je sais pas si c'était mentionné au départ, je crois que ça a été rajouté après coup. Ah bon? Je sais pas si ça y était au départ, on va revérifier ça. Tu veux dire comme Star Wars épisode 4? Un peu, ouais. C'est ça. D'accord. Et bon bah ils voilà. Ils ont fait une dune alors, la dune de Villeneuve. Sur l'affiche, c'est écrit dune. Ouais. Et quand tu vas au cinéma, tu regardes le début du film, dune partie 1. Ouais, c'est ça, là. Vous m'avez niqué là. Donc, bon bah, regardez-le si vous voulez. Faites ce que vous voulez. Voilà. Bon, moi je peux en dire en vrai compliment que c'est mieux que celui de 90, mais bon. On est bien content d'être revenu pour faire des podcasts, tiens. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, est-ce que c'est mieux que Dr. Sleep? Je pense, oui. On verra bien, mais oui, quand même, oui, clairement. Hein, alors déjà... Il y a des trucs réussis. Non, mais déjà, ça dure plus longtemps que Dr. Sleep, et j'ai l'impression que ça durait moins longtemps. Oui. Déjà, c'est quand même... Voilà. Que Dr. Sleep, c'est 3 heures ressenties, ouais, 6. Non, ça, on le dira au classement, mais oui, c'est mieux que Dr. Voilà. Sleep, faut pas déconner. C'est même mieux que Mon Glory Reborn. Voilà. Alors que là, bon, là, c'est combien? Ça doit faire 4 heures en tout et pour tout. 5, quand même. Mais 5. Là, c'est 5 heures, bon, ressenti, 5 heures et demie. Ouais, c'est pas non plus la mort. Ouais, voilà, la deuxième partie, elle dure quasiment 3 heures, j'en ressens bien 4. Hein, moi. Parce que les deux premières heures sont vraiment très longues. C'est vrai. Donc bon, on passe à une scène. On passe à une scène. Allez, c'est parti. I am the clown with the tearaway face! Here in a flash, you dominate trace! I am the who in the cuckoo's there! I am the wind blowing through your hair! Très bien, nous allons donc lire, c'était peut-être assez prévisible, c'est une scène culte du livre, une scène culte des adaptations, c'est la scène qui ouvre quasiment le roman et les deux adaptations, c'est la mort du petit Georgie, donc le frère de Bill, qui vient de faire un bateau en papier avec son frère, qui reste à la maison parce qu'il est un peu malade, et donc Georgie sort sous la pluie. C'est du coup le ça dans l'édition 2 tomes édité par Le Livre de Poche, traduit de l'anglais par William Desmond. Édition Livre de Poche, nous sommes à la 23e page, au début du chapitre 3. Il courait donc à la poursuite de son bateau, du côté gauche de Witcham Street, aussi vite qu'il le pouvait. Mais le bateau prenait de l'avance, car l'eau dévalait plus vite encore. Son grondement allait s'amplifiant, et il s'aperçut qu'à une cinquantaine de mètres en contrebas, elle quittait le caniveau pour cascader dans un conduit d'urgence que l'on n'avait pas encore refermé. Il formait un grand demi-cercle obscur sur le bord du trottoir, et, alors que George regardait dans cette direction, une branche dépouillée à l'écorce noire et luisante comme une peau de phoque s'engouffra dans sa gueule. Elle y resta accrochée un instant avant d'y disparaître. C'était là que se dirigeait son bateau. « Oh, merde et merdouille !» s'écria-t-il, consterné. Il accéléra le pas et crut pendant quelques secondes pouvoir rattraper le bateau. Mais l'un de ses pieds glissa sur quelque chose et il alla s'étaler, s'écorchant le genou avec un cri de douleur. De ce nouvel angle au ras du sol, il vit l'embarcation tourner 2 fois sur elle-même, momentanément prisonnière d'un tourbillon, puis disparaître. « Merde et merdouille !» cria-t-il de nouveau, frappant la chaussée du poing. Il se fit mal et les larmes lui vinrent aux yeux. Quelle stupide façon de perdre le bateau! Il se releva et s'approcha de la bouche d'égout. Il mit son bon genou à terre et regarda à l'intérieur. L'eau faisait un grondement creux en s'enfonçant dans les ténèbres, un bruit de maison hantée qui lui rappelait un cri étranglé sorti de sa gorge et il sursauta. Deux yeux jaunes le regardaient de là-dedans. Des yeux comme ceux qu'il avait imaginés, le guettant dans la cave sans jamais les voir. « C'est un animal, » pensa-t-il, de manière incohérente. « C'est tout ce que c'est, un animal, tout bêtement, un chat qui a été emporté là-dedans. » Il était cependant prêt à s'enfuir en courant. Il allait s'enfuir en courant dans deux secondes, quand ses mécanismes mentaux auraient digéré le choc produit par ses deux yeux jaunes et luisants. Il sentait la surface rugueuse du macadam sous ses doigts, ainsi que l'eau froide qui les contournait. Il se vit se relever et battre en retraite, et c'est à cet instant qu'une voix, une voix agréable au ton raisonnable, lui parla depuis la bouche d'égout. « Salut, George, » fit-elle. George se pencha et regarda de nouveau. Il n'en croyait pas ses yeux. C'était comme dans un conte de fées, ou comme dans ces films où les animaux parlent et dansent. Il aurait eu 10 ans de plus, il serait resté incrédule. Mais il avait 6 ans, et non 16. Un clown se tenait dans l'égout. L'éclairage n'y était pas fameux, mais néanmoins suffisant pour que George D'Ambrose n'ait aucun doute sur ce qu'il voyait. Un clown, comme au cirque ou à la télé. Un mélange de Bozo et Clarabelle, celui ou celle, George n'était pas très sûr, qui parlait à coups de trompe dans les émissions du dimanche matin. Le visage du clown était tout blanc. Il avait deux touffes marrantes de cheveux rouges de chaque côté de son crâne chauve et un énorme sourire clownesque peint par-dessus sa propre bouche. Il tenait d'une main un assortiment complet de ballons de toutes les couleurs, comme une corne d'abondance pleine de fruits mûrs. Et dans son autre main se trouvait le bateau, un papier journal de George. « Tu veux ton bateau, Georgie ?» fit le clown avec un sourire. George lui sourit à son tour. Il ne put s'en empêcher. C'était le genre de sourire auquel on ne pouvait faire autrement que de répondre « Oui, bien sûr, je le veux !»« Bien sûr, je le veux !» fit le clown en riant. « Voilà qui est bien dit, très bien dit. Que penserais-tu d'un ballon ?»« Eh bien oui !» Il tendit une main hésitante, puis se reprit. « Je ne dois pas prendre les choses que me donnent des étrangers. C'est ce que papa m'a dit. »« Ton papa a parfaitement raison, » admit le clown, du fond de son égout toujours souriant. « Comment ai-je pu croire, » se demandait Georges, « qu'il avait des yeux jaunes. Ils étaient d'un bleu brillant et pétillant, comme ceux de sa mère ou de Bill. »« Parfaitement raison. C'est pourquoi je vais me présenter. Georgie, je m'appelle Monsieur Bob Gray, aussi connu sous le nom de Gripsou, le clown cabriolant. Gripsou, je te présente George D'Ambrose. » « George, je te présente Gripsou. »« Eh bien voilà, nous ne sommes plus des étrangers l'un pour l'autre, pas vrai ?» George pouffa. « C'est vrai !» Il tendit de nouveau les mains, et de nouveau la retira. « Comment t'es descendu là-dedans »« La tempête nous a balayés, moi et tout le cirque, » répondit Gripsou. « Ne sens-tu pas l'odeur du cirque, Georgie ?» Georgie se pencha. Ça sentait les cacahuètes grillées, et le vinaigre, ce vinaigre blanc que l'on verse sur les frites d'une bouteille avec un petit trou. Ça sentait aussi la barbe à papa et les beignets frits, tandis que montait, encore léger mais prenant à la gorge, l'odeur des déjections de bêtes fauves, sans oublier celle de la sueur. Et cependant, en dessous, flottaient les senteurs de l'inondation, des feuilles en décomposition et de tout ce qui grouillait dans l'ombre de l'égout. Odeur d'humidité et de pourriture, l'odeur de la cave. Mais les odeurs du cirque étaient plus fortes. « Tu parles si je les sens !» s'exclama-t-il. « Tu veux ton bateau, Georgie ?» demanda Gripsou. « Tu n'as pas l'air d'y tenir tant que ça » ajouta-t-il en le soulevant avec un sourire. Il était vêtu d'un ample vêtement de soie fermé d'énormes boutons orange. Une cravate d'un bleu électrique éclatait pendant à son cou. Et il avait de gros gants blancs comme ceux que portent toujours Mickey et Donald. « Si, j'y tiens !» dit George, toujours penché sur l'égout. « Veux-tu aussi un ballon ? J'en ai des rouges, des verts, des bleus, des jaunes. Est-ce qu'il flotte ? S'il flotte ?» Le sourire du clown s'élargit. « Et comment ? J'ai aussi de la barbe à papa. » George tendit la main. Le clown la lui prit. Et George vit changer le visage de Gripsou. Ce qu'il découvrit était si épouvantable qu'à côté, ses pires fantasmes sur la chose dans la cave n'étaient que des féeries. D'un seul coup de patte, griffu, sa raison avait été détruite. « Il flotte !» chantonna la chose dans l'égout, d'une voix qui se brisa en un rire retenu. Elle maintenait George une prise épaisse de pieuvre, puis elle l'entraîna dans l'effroyable obscurité où grondaient et rugissaient les eaux emportant leur chargement de débris vers la mer. George détourna tant qu'il put la tête des ultimes ténèbres et se mit à hurler dans la pluie, à hurler inconsciemment au ciel blanc d'automne qui faisait ce jour-là comme un couvercle au-dessus de Derry. Des cris suraigus, perçants, qui tout au long de Witcham Street précipitèrent les gens à leurs fenêtres ou sous leurs porches. « Il flotte !» gronda la voix. « Il flotte, Georgie !» Et quand tu seras en bas avec moi, tu flotteras aussi !» L'épaule de George vint buter contre le rebord en ciment du trottoir et Dave Gardner restait chez lui à cause de l'inondation, au lieu d'aller travailler comme d'habitude au Sojbort, ne vit qu'un petit garçon en ciré jaune qui hurlait et se tordait dans le caniveau, tandis que de l'eau boueuse et écumante transformait ses cris en gargouillis. « Tout flotte en bas !» murmura la voix pourrie et ricanante. Puis il y eut soudain un bruit affreux d'arrachement, une explosion d'angoisse, et George Dembrough perdit connaissance. Dave Gardner fut le premier sur place. Il arriva à peine 45 secondes après le premier cri, mais George était déjà mort. L'homme le saisit par le ciré, le tira dans la rue et commença lui-même à crier quand le corps de l'enfant se retourna entre ses mains. Le côté gauche du ciré était maintenant d'un rouge éclatant. Du sang coulait dans l'égout depuis le trou déchiqueté où se trouvait autrefois le bras gauche. Des os emmêlés, horriblement brillants, dépassaient du vêtement déchiré. Les yeux de l'enfant étaient grands ouverts sur le ciel blanc, et tandis que Dave se dirigeait d'un pas incertain vers ceux qui arrivaient, courant en désordre dans la rue, ils commencèrent à se remplir de pluie. Et maintenant, la même scène dans le film, dans le premier donc. Ah ! Salut Georgie. Quel joli bateau. Tu veux ton bateau ? Oui, s'il vous plaît. T'as l'air d'être un bon garçon, je parie. T'as plein d'amis. Trois, mais mon frère, c'est mon meilleur ami. Où est-il ? À la maison, il est malade. Je pourrais lui remonter le moral. Je peux lui donner un ballon. Veux-tu un ballon, toi aussi, Georgie ? Je ne dois pas accepter des choses que me donnent des inconnus. Ouh. Eh bien, je suis Gripsou, le clown cabriolant. Gripsou, je te présente Georgie. Georgie, je te présente Gripsou. Je suis plus un inconnu maintenant, pas vrai? Qu'est-ce que vous faites dans les égouts? Une tempête nous a balayés. Moi et tout le cirque. Tu ne sens pas l'odeur du cirque, Georgie? Il y a de la barbe à papa, des arachides, des hot dogs et... Du pop-corn? Du pop-corn! C'est ça que tu préfères, non? Uh-huh. Moi aussi! Parce qu'il faut pop! Pop, pop, pop, pop! Pop, pop, pop! Pop! Je crois que je ferais mieux de rentrer. Oh! Sans ton bateau, tu ne voudrais pas le perdre, Georgie. Bill te tuerait sinon. Tiens. Prends ça. Prends ça, Georgie. Voilà, voilà, donc c'est comme ça qu'a été adaptée cette scène. Alors, pour une petite précision qui ne se voit pas, enfin, qui ne s'entend pas, je pense, sur la vidéo, mais qui est un peu importante pour la suite du film, George disparaît complètement dans l'égout, dans le film. Oui. Ce qui fait que Bill va, en fait, le chercher pendant une partie du film, oui. En se disant qu'il est peut-être encore vivant, tandis que bah, dans le livre, il n'y a, a pas de doute permis. Là. C'est ça, dans le film, on voit que... Gripsou possède les pouvoirs de Mister Fantastic et donc allonge son bras pour choper George. Oui. Et le ramener à l'égout. Mmh. Il est drôlement habile pour faire passer, il aurait dû être postier pour ça. Pas facile de faire passer un gamin dans un égout. J'ai déjà essayé moi avec mon frère. Bah vu ce qu'il lui fait, vu ce qu'il lui fait au bras, je pense qu'il force un peu quoi. Oui voilà, il y a peut-être des bouts qui. Tu sais des fois les facteurs, tes colis quand ils. Ouais c'est. Elles sont dans ta boîte, tu te demandes comment il l'a rentré. Hein. C'est pas faux, c'est pas faux. Ah voilà, bah c'est pareil pour George. Donc bon bah qu'est-ce que tu penses de. Bah déjà scène culte du roman. Oui. Genre vraiment, c'est une... dans le roman, c'est une scène incroyable qui nous a tous terrorisés, je pense, forcément, parce que c'est la première confrontation qu'on a avec Gripshu, oui. Qui est montré, bah, on se doute que c'est une saloperie, parce que nous, on n'a pas 6 ans. On sait qu'il y a un truc bizarre dans les goûts, et il a l'apparence d'un clown, mais c'est pas un clown, hein, on se doute bien. Mais, malgré tout, il est dépeint comme pas quelque chose de négatif, dès le début. Oui. Et bah, c'est terrorisant, quoi. Bah oui, parce qu'on comprend totalement que Georgie... enfin, on comprend qu'il va se laisser avoir, en fait. Ah là, c'est ça, parce qu'on sait que bah, il a 6 ans, c'est pas... Et c'est dit, d'ailleurs. Oui. Il a pas 14 ans. Il a pas 16 ans, il en a que 6. Il aurait 10 ans de plus, bah il aurait pas été. Et dans le film, bah le problème c'est que le clown fait tellement flipper que jamais tu mets ton bras là-dedans. Oui, voilà, c'est encore ça. Encore une fois, en fait, c'est le problème. Georgie a l'air... Enfin, j'arrive pas à croire à la réaction de Georgie dans le film. C'est complètement... Je comprends pas. Encore, si le film avait essayé de faire comme dans le roman, c'est-à-dire au fur et à mesure que Georgie commence à sympathiser avec le clown, transformer le clown. Oui, ça aurait pu être plutôt intéressant, mais... Voilà, parce que c'est ce que fait voilà, le roman. Il fallait une première étape agréable. Voilà, parce que il a des yeux jaunes, après on comprend qu'en fait, bah, Georgie pense qu'il a mal vu, qu'en fait il a des yeux bleus, les yeux bleus comme sa mère, donc ça le rassure. Voilà, c'est ça qu'il aurait fallu faire. Mais là, en tant que tel, bah non, j'ai pas envie. Ouais, voilà. C'est... Ouais, en fait, Bill Skarsgård, c'est... on en revient au problème de son jeu, il en fait beaucoup trop voilà. pour Gripshu, il cherche beaucoup trop à faire peur, alors que Gripshu, il doit avoir les deux modes, en fait. Il doit être à la fois la tentative d'être rassurant de ça, et quand il se lâche, là, il peut faire peur et compagnie, évidemment. Mais pour le coup, c'est dommage, parce que c'est le seul truc qui est raté dans la scène. Oui. Parce que tout le reste est bien, en fait. Le jeu du gamin qui joue au Georgie est bien. L'ambiance avec la pluie battante, la tension qui est un petit peu, parce qu'il y a genre il y a une vraie tempête quoi. La musique qui est en fond est plutôt sympa. La vieille dame là qui est sur son perron, qui regarde ce qui se passe, qui elle, tu sens qu'elle sent qu'il se passe un truc. Tout est réussi dans la scène. Il y a vraiment que ça. Mais ça suffit à te sortir de la scène. Ah, c'est l'élément principal hein, quand même. Ah, voilà, c'est ça. L'élément qui devait pas rater. Ah oui. Bon, voilà. Et du coup, bah, ça suffit à te sortir du truc, quoi. Mais la scène est tout aussi ratée hein, dans le téléfilm, parce que c'est l'effet qui est dégueulasse dans le téléfilm. Ouais, c'est d'autres raisons, peut-être un peu plus excusables du fait du budget, quoi, dans le téléfilm. Voilà, parce que dans le téléfilm, oui, Gripshu, là, pour le coup, est sympathique, et tu comprends que George tombe dans le piège. C'est juste qu'après, quand il lui fonce dessus, t'as un vieux ralenti dégueulasse sur la gueule de Tim Curry, là, avec des grosses dents. Tu fais, bah, c'est ridicule, en fait. Mais bon, on n'est pas là pour parler de celui-là, pour l'instant. Mais c'est marrant que cette scène culte a été un peu ratée dans les deux films. Ouais. Et ce qui est embêtant, c'est que bah, elle est censée ouvrir et poser l'ambiance pour toute la suite, en fait. Oui. Et donc si ça, c'est raté, pour moi, ça va compliquer après mon entrée dans l'œuvre. Mais voilà, après... Limite, ça aurait été plus efficace si Bill avait eu une sœur et qu'ils avaient mis la scène de la petite fille avec la tache de naissance en intro. C'est ça aurait posé le personnage efficacement. C'est ça. Après, je me demande, est-ce qu'il aurait pas fallu peut-être modifier un peu comment est fait la scène? Parce que c'est vrai que le coup de le voir dans un égout, de base, c'est un peu ridicule, quoi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu vois, dans une ruelle sombre, en plus, ça aurait mis au goût du jour les peurs des prédateurs sexuels oui. que les adultes ont pour les enfants. Ouais. Ça aurait modernisé le truc et ça aurait été peut-être un peu moins ridicule. Mais après, bon, là, vraiment, tout ce qui manque, c'est surtout le jeu d'acteur. En fait. Ouais, c'est le jeu d'acteur. Je pense que dans les goûts, ça aurait eu l'air un peu absurde, mais crédible pour un enfant de 6 ans, en fait, qui ne serait pas posé la question de comment est-ce qu'un clown fait pour passer. Voilà, en fait, c'est ça. Ici, c'est qu'il se pose dans le roman, c'est bien amené parce qu'on te rappelle bien qu'il a que 6 ans. Oui, et que oui, il pose la question, mais que l'explication donnée par Gripshu, on a glissé avec la pluie, bon, bah, ça, à 6 ans, ça passe. Et voilà. Même si bon. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment. Oui, peut-être qu'on aurait pu le déplacer dans un autre lieu, mais vraiment avec le jeu de toute façon. De... Oui, voilà, c'est ça. Du personnage, ça serait jamais passé, même dans une ruelle sombre. Voilà, c'est notre problème qu'on a avec cette scène et global avec l'apparence de Gripshu, quoi. Oui, avec cet acteur. Tout le film. Avec cet acteur de manière générale, ouais. Voilà, c'est ça. Mais c'est même pas tant l'acteur. Moi, je pense que c'est plutôt une direction d'acteur. Oui, je sais pas jusqu'à quel point. Quand tu vois les tests qu'il fait quand même en audition, il a quand même déjà ce côté-là. Donc je pense que c'est à la fois la direction d'acteur et à la fois sa volonté à lui, ouais, de jouer comme ça. De vouloir être flippant de base. Mais ouais, je sens vraiment un peu le côté volonté de faire un rôle très marqué dans les effets, très marqué dans le jeu, très excessif. Mm. C'est là que je comprends la comparaison que Skarsgård fait lui-même avec le jeu du Joker, en fait. C'est un rôle en représentation constante. Oui. Oui. Enfin, bon, sauf que normalement, le Joker, il est pas là pour faire genre qu'il est gentil. Oui, attendez, oui, c'est, dans le Joker, c'est plus logique comme c'est comportement. Ça. Je suis pas fan non plus, mais c'est plus logique. Le Joker n'est pas là pour faire semblant d'être gentil. Déjà, il a juste une case en moins de base. Oui, c'est ça. Et c'est tout. Et puis, ouais, il s'en fout, quoi. Puis en plus, le Joker, c'est pas un déguisement, c'est son apparence. Oui. Il y a aussi ça qui est quand même une grosse différence. Parce que... Enfin, ça, j'ai l'impression que ça dépend des versions. Oui, mais de base, enfin, oui, la version de Ledger et de Nolan, c'est un, oui, c'est un déguisement. Ouais. D'accord. Je parle vraiment du Joker, du comics pour le coup. Mm-hmm. Mais c'est vrai que vu que l'inspiration vient plus de Ledger, voilà. Mais voilà, c'est. Après, c'est qu'on dommage. On est une minorité à pas apprécier. Ah bah, de toute façon, vu les notes du film. Le design, hein, de. Vu les notes du film, apparemment, c'est que ça a pas tant choqué, pas tant gêné que ça en tout cas. Faut que j'arrête de l'appeler Pennyworth. C'est de parler de Batman. C'est Pennywise. Come on, nous flottons tous au manoir des Wayne, Georgie. Viens mettre la tenue de Robin, Jason Todd n'est plus disponible. On l'a pas mentionné dans les scènes réussies, justement, les enfants qui flottent en bas. Oui. La représentation, oui, est sublime. L'image est jolie, ouais. Voilà. Ça c'est très beau. Il y a quelques... Bah, même la danse de Pennywise à ce moment-là est pas mal, pour le coup, oui. Un côté malsain qui marche pas mal. Danse de manière mécanique. Ouais. Ouais. C'est dommage que ça ait été utilisé dans la bande-annonce et que du coup, bah. Oui, c'est ça. C'est con. Donc voilà, bah c'est tout ce qu'on a à dire et on va pouvoir classer tout ça, hein, je pense. Oui. C'est parti. Allez, c'est parti pour le classement. C'est parti, Silver. On ferme tous les coups. Comme d'habitude, nous allons commencer par le classement des livres. Nous en sommes à 30 œuvres. Les trois premières étant Cimetière, Charlie et La Part des Ténèbres. Et les trois dernières étant L'Année du Loup-Garou, Dr. Sleep et Grand Chauffeur. Alors, inutile de vous cacher que ça, bah déjà, ça se retrouve en haut de la liste. Hein. Donc déjà, j'isole les 10 premiers. Je t'annonce si ça. Oui, voilà, oui. J'isole les 10 premiers, j'irais même jusqu'à dire que j'isole les 5 premiers. Oui. En fait, j'irais même à dire que j'isole carrément les 3 premiers. Mmh. Ouais. Et là, tu vois, je me retrouve dans une impasse, mon cher Issam. Parce que ça a des qualités que Cimetière n'a pas. Et Cimetière a des qualités que ça n'a pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, ouais. C'est-à-dire que ça a pour lui des personnages ultra développés et ultra attachants, chose que Cimetière a, mais pas autant. Mm. Et Cimetière n'est pas un roman qui fait... Enfin, comment dire? Cimetière fait peur, mais pas la même peur. Cimetière a une peur un peu plus d'ambiance et viscérale. Là où ça a une peur plus montagne russe, tu vois ce que je veux dire? Oui, même s'il y a des moments bien viscéraux dans ça, oui. Voilà. Et donc, pour moi, c'est clairement soit... Bah, c'est clairement soit premier, soit second, en fait. Parce que, quoi qu'il en soit, pour moi, c'est quand même supérieur à La Part des Ténèbres et à Charlie. Oui, je suis assez d'accord. Et du coup, bah, maintenant, voilà, il y a du coup cette hésitation-là. Moi, je pense que j'ai une préférence pour Cimetière. Bah, comme tu l'as dit, niveau développement des personnages, les deux sont très réussis. Ouais. Le Cimetière est plus court, mais en même temps, il y a moins de personnages. Donc au final, la qualité du développement est pareille, je pense, dans les deux. Oui. Et je pense que ce qui va faire la différence, c'est que Cimetière me met beaucoup plus mal à l'aise, vraiment, dans ce qu'il me raconte, dans comment dérive son protagoniste, en fait. Je trouve que ce Cimetière, c'est... Bah, son aspect assez désespéré fait que C'est une chute sans fin qui me met encore plus mal à l'aise et qui me choque encore plus que ça au final. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. En fait, oui, c'est ça. C'est ce que j'évoque dans le sens où c'est pas les mêmes peurs. Ouais. Tout simplement. Parce que au final, bah, le traitement de tous les thèmes de l'amitié. De l'amitié dans ça, sont remplacés par le traitement des thèmes de la famille dans Cimetière. Donc oui, l'aspect émotionnel dans les deux est très présent. Oui, tout à fait. Moi, là, c'est juste que Cimetière, en fait, va être une peur de l'instant au moment de la lecture du roman, là où ça va être une peur qui va perdurer quelques jours après, pour moi. Ah oui, moi, j'aurais dit l'inverse, justement. Ah oui ? Ouais. Bah, parce que dans Cimetière, la menace de Cimetière, finalement, ne menace que la famille, enfin que les personnages qui y sont. La menace de Cimetière, ouais, mais il y a toute la menace autour, enfin très concrète autour de la perte des gens au final. Oui, ça oui. Mais du coup, c'est plus une menace terre à terre. Oui. Alors que en termes de menace horrifique, bah ça, il peut attaquer n'importe qui, quoi. C'est juste que là, il a adhéré, mais il pourrait très bien aller ailleurs. Oui, oui, il y a l'aspect Cthulhu de la créature qui peut tomber sur tout le monde, ouais. Voilà. Mais voilà, c'est soit premier, soit second. Après, moi je pencherais pour second. Au point où on en est, les deux. Oui, voilà, de toute façon, les deux sont à lire. Hein, donc, voilà, au point où on en est, on s'en fout un peu, quoi. Bah, deuxième me va. Allez, deuxième place, donc pour ça. Ce qui est une très bonne place. Excellente place, oui. Et même tout ce qui vient après reste excellent. Hein, on conseille toujours autant Charlie. Non, mais clairement, c'est limite si Cimetière et ça sont pas sur un pied d'égalité, quoi. Oui, voilà, c'est ça, on différencie parce qu'il faut bien. Mais c'est le but du jeu. Mais... Voilà. Qu'en est-il du coup du classement film, Issam ? Ben pour les films, aux trois premières places, donc nous avons 39 films actuellement, aux trois premières places, Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom et No Smoking d'Anurag Kashyap, et aux trois dernières, The Mangler 2 de Michael Hamilton Wright, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, et Doctor Sleep de Mike Flanagan. Et donc, où est-ce qu'on va mettre ça ? Bon, déjà là, pour le coup, par contre, le top 10, ça le fait pas. Hein, ça... Non, clairement pas. Clairement. J'ai envie de te dire que le top 15, ça le fait pas. Ouais, ouais, le top 15, non plus. Après, ça devient un peu plus discutable. Ouais, moi je verrais quand même ça aux alentours de la 20e. Ouais. Moi je verrais bien ça entre 20 et 25. Ouais, je regarde un peu, mais... Ouais, ça va être dans cette zone-là, je pense, effectivement. Alors, bon, bah, si on les prend un par un par rapport à celle, bah, je m'ennuie moins. Finalement devant celle, oui, que devant ça, même oui. Si la photographie et le jeu d'acteur est... Enfin, la photographie, clairement, est supérieure dans ça, et le jeu de certains acteurs, admettons. Ouais. Le cobaye, c'est là que ça devient compliqué, parce que le cobaye... bon, c'est le cobaye, quoi. Mais le cobaye, j'ai l'impression que le cobaye est là, alors qu'il aurait dû être plus bas. Non, mais le cobaye, on l'avait mis là, pour... oui, ça tente des trucs, c'est une originalité, le cobaye, on peut pas lui retirer ça. Ouais, mais moi j'ai envie de te dire, même couple modèle, je préfère revoir couple modèle que ça. Hein. Bah, c'est beaucoup plus court, couple modèle. On se fait un peu chier. Mais moi, c'est vraiment avec ça, avec Salem, où je me pose des questions. Ouais, parce que là, on arrive au truc. Je pense que là, les qualités de ça vont lui permettre de passer au-dessus de Salem. Ouais. Même avec couple modèle, ce serait presque discutable, mais je le mettrais à cause de la durée, je le mettrais voilà. En dessous. Couple modèle a pour lui qu'il ne dure qu'une heure et demie. Ouais, c'est. C'est bête hein, de juger là-dessus, mais bon, c'est vrai que quand on s'ennuie devant un truc, la durée commence à compter. Bah oui, quand même. Donc ouais, je dirais à 23e place entre couple modèle et Salem. Voilà. Ça, partie 1 et partie 2. Enfin, tu mets ça seulement. Hein. Et ça, en plus, a contre lui le fait bah, de tout le potentiel gâché, c'est dur à pas prendre en compte. Oui, c'est vrai. Très bien, donc après ce long morceau, j'ai pas... Enfin, il n'y a pas encore eu le montage, mais je pense que ce sera le plus long épisode, hein. Y a moyen que ça batte Dr. Sleep. Ah oui, je pense. On va tirer au sort les prochains. Youhou. Sur la liste. J'ai peur. J'ai pas encore remis les tout derniers, d'ailleurs, j'ai pas encore mis Histoire de Visée et je crois la nouvelle série Le Fléau. Alors, j'en ai pris un, je tends. Il me tend le chapeau. Et j'ai pioché, pour ma part, Les Enfants de Salem de Larry Cohen, qui est une suite à Salem. Voilà, ça existe. J'avais oublié moi-même que ça existait. Sam, je te déteste. Je m'agite, non pas dans Issam, mais dans le chapeau. Tu fais ce que tu veux. Ah, moi, du moment que tout le monde est consentant, il n'y a pas de problème. Ah, sauf quand c'est les animaux et les cadavres, mais, parce qu'ils ne peuvent pas être consentants. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Je te rends le chapeau, j'ai tiré un petit bout de papier. Et j'ai tiré Les Ailes de la Nuit de Marc Pavia. Adapté de Le Rapace Nocturne. On ne sait pas ce que c'est, mais ça a l'air bien. La nouvelle est pas mal dans mon souvenir. Le film, j'ai moins confiance, mais la nouvelle est pas mal. C'est un film de... C'est une nouvelle qui sort de quoi ? Les Ailes de la Nuit, je sais plus si c'est dans Tout est fatal ou dans le premier. On vérifiera ça en off. Ouais, voilà. Très bien, bon bah, on se retrouve donc dans 2 semaines pour Les Enfants de Salem. Et dans 1 mois pour les Ailes de la Nuit. J'ai hâte. Voilà. On sait même pas ce que c'est. On sait même pas de quoi on va parler, c'est quand même incroyable. Là, on est dans des zones obscures. Hein. C'est des deux trucs où t'as juste lu la nouvelle, pas vu les films. Oui, bah oui. Voilà. C'est ça. Oh. Oh, et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, sur @cinémaarchiviste pour toi, @gradébule pour moi. Voilà, sur Twitter. On mettra le lien du Discord dans la discussion, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou. Oui, n'hésitez surtout pas. Comme on le disait la dernière fois, on commençait à discuter entre nous de peut-être un podcast cinéma. Une petite émission sur Twitch, donc si, ouais, voilà. Si ça peut vous intéresser de venir nous écouter, bah faites-le nous savoir si c'est un projet qui pourrait rejoindre la liste des choses que vous écoutez. Voilà, c'est ça. Non, ça revient de le faire. Bon, ok, tu as le droit. Accordé, on mettra des rires préenregistrés. Et nous, en attendant, on se retrouve bientôt. Et n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut. Pardon.